Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Je suis Florent Bernard et comme accoutumé, je suis accompagné par Adrien qui se frotte déjà les yeux. Adrien Snipe, bah je suis allergique au chat toujours. Hein. J'ai pas de Zyrtec, j'ai rien. Moi, je suis un mec, bah, je suis rien comme je suis en fait. Mais t'es anti-vax aussi d'ailleurs. Enfin, je suis anti-vax. Tout ce qui est médicaments, tu détestes ça. Quoi. De me... Ah, mais d'ailleurs, c'était le truc du dernier Floodcast, le vaccin contre les. Bah oui, bien je sûr. Je refuserais moi. Du coup. Bah, oui, anti-vax, pardon. Ah oui, bien sûr. Je rigole, je suis intelligent. Retour du binôme star. Il y a un binôme star aujourd'hui dans les invités. C'est un peu les Shirley et Dino du FLSF. C'est un peu les Baudins du podcast. C'est un peu les Michel Larocque et Pierre Palma. Oh là non. Notre première invitée est humoriste et comédienne. C'était la fin de cet épisode. Merci. On la retrouve sur France Inter dans C'est encore nous. Elle est en tournée dans toute la France, à Toulouse le 2 novembre, à Bordeaux le 3, à Angers, à Nantes, à Tours. Bref, c'est Douli. Comment ils vont, mes petits culs? Oh, ça va. Bip, bip. Attends, tu sais que ça s'appelle plus C'est encore nous, ça s'appelle le grand dimanche soir maintenant. Ah, mais je vote à droite, moi, Douli. Comme tu le sais, nous sommes fait dégager. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Notre second invité est comédien humoriste. Il joue ses dernières de son spectacle, voir les gens à Nantes, à Strasbourg ou encore à Lyon. Il reste encore des places? Oui. Ouais, sublime. Mais pas beaucoup. Ah ouais. Mais si vous avez envie de rester chez vous, eh bien le spectacle est dispo sur Prime Vidéo depuis quelques jours maintenant. Ouais, Blanche Gardin. C'est Baptiste Diable. Ouais. Bravo. Coucou. Ouais. Coucou. Salut les petits culs. Non, bah non, ça c'est. Ah oui, c'est Douli. Eh ben oui, non. J'ai rien à foutre. Faut ta punchline à toi. Il faut ma punchline. Allez, vas-y. Salut. Les zozos. Vous êtes lavé le frein. Voilà, salut. Vous vous êtes lavé le frein. Ouais. Ah ok. Non mais je suis dans la bagnole, moi. Ah oui, d'accord. Pardon. Bien sûr. Alors. Vous le savez, le podcast, c'est d'abord les actus un peu insolites. Alors d'ailleurs, c'est camouflage un peu ton gilet là. Bah, c'est bien audio en tout cas. Ça, non, c'est chasseur. Un petit chasseur. Les écoute. Gens adorent ça. Ils se disent, putain, c'est vraiment comme si on faisait une soirée autour de la table. En fait. Alors qu'on l'avait, on l'a prévu sur WhatsApp. Gilet... Non mais en fait, c'est vrai que tu as un gilet sans manches que tu mets rarement. Que je mets rarement. C'est pour ça que. Mais il a beaucoup de poches. Et en fait, ce matin, j'ai emmené ma fille au cinéma. Voilà, je vous dis, c'était la première fois qu'elle allait au cinéma. Et t'as besoin de poches. Et ben oui, j'avais besoin pour le biberon, le doudou, la peluche. Achète comme moi les gilets avec genre chasseur avec oui, 20 poches. Mais là, moi déjà, il y a 6 poches, là. C'est énorme pour moi. J'ai l'air très raciste quand on... malheureusement. C'est-à-dire que quand tu vois le mec sur Asos ou Zalando et tout, il a l'air cool. Ouais. Mais moi, 43 ans, moustache crâne rasé avec ça, gros potentiel pourquoi de racisme. Ils ont besoin d'autant de poches. Il faut juste une poche avec des cartouches et c'est une vrai. Photo de leur enfant et un chien à côté. Bon, bah, ah ouais, c'est vrai, il faut que je fasse la distinction. Parce qu'il y a quand même beaucoup de la bouteille de pif, tu la mets où? La bouteille Attends. De pif, tu la bois avant. Oh, elle est jolie. Un peu insolite. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de choses un peu insolites, Douli nous a quand même dit hors antenne qu'elle allait peut-être lancer un business. De verre. De verre. Attends, quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Les verres, ce qu'on t'a proposé. Ah oui, oh là là, mais putain, j'ai eu un blackout. Mais Doudou, c'était il y a 11 minutes. Elle est complètement ouf. C'était il y a 11 minutes. Elle m'a regardé paniquer, genre, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai eu un tunnel. Faut que je monte en business. Oui, on m'a proposé. Oh, j'aurais jamais le nom de domaine. Oh, c'est foutu, voilà, je savais que on m'a proposé d'être à poil au fond des verres à saké. C'est incroyable. Attends, tu préfères ça? Ou le truc comme j'aime, franchement c'est trop bien. Non, c'était quoi le contexte? C'était un restaurant, un patron d'un restaurant qui m'a dit j'ai envie de faire des verres à saké à ton effigie. Et du coup. Donc c'est un gars, enfin un patron de resto, c'est, ouais. pas, un c'est truc... pas une chaîne, c'est un seul resto. Ouais. C'est fou, Doudou, c'est n'importe quoi. C'est... Ah, mais non, mais attends, mais parce que là, ouais, le gars voulait te voir à poil en fait. Parce que, oui, bah, ouais. C'est pas le gars de Sushi Shop qui a dit je veux sur les baguettes ou dans les sauces sucrées. C'est un mec qui dit je te veux à poil dans mes verres. Bah, bien évidemment, j'ai qu'est-ce que tu crois? Et est-ce que la demande s'est faite via internet ou alors t'es allé au resto? Et à non, la non, fois non, au moment de l'addition. C'était en direct, c'était en direct. Ouais. Au moment de l'addition. Ah, moi je suis comme ça, moi je passe pas par les médias, les trucs comme ça. Moi je suis dans le contact, moi. Ouais, tu vas être à poil au fond moi, de mon air. Moi je suis dans l'humain, moi. Et comment ça, donc t'as bouffé là-bas? Et à la fin, il t'a dit. Je lui ai dit, ça pourrait être vraiment une bonne idée. Mais s'il y avait un truc drôle au fond du verre, quoi. Tu vois, pas juste moi à poil, quoi. Parce que tout le monde s'en fout. Là, il a dit, non. J'aime pas l'idée. Que toi à poil. Non, toi à poil ou rien. Même pas moi devant un jour de la semaine et une saint quelque chose. Non, le calendrier de la merde. Non, mais après, si tu veux le verre, on laisse tomber le verre. Un poster, si tu préfères. Ça serait marrant, un poster de toi à poil. Ou toi à poil chez moi ce soir. Va t'asseoir sur une assiette. Assieds-toi sur une assiette. Mec horrible. Ton cul dans une assiette. Ton cul dans une assiette. Ouais, bon, t'as attends, il t'a offert. Ton cul dans une assiette. Est-ce qu'on n'est pas sur le titre? On peut. J'aime bien quand vous dites, est-ce que ça serait pas le titre? Parce que quand t'écoutes l'épisode, tu fais, ah, j'espère qu'il y aurait une meilleure blague que ce truc, mais en fait, c'est bien. Ouais, parce que je suis fan du Floodcast. Non, mais il adore, il est tombé amoureux de pure marmaille pendant. Bah oui. J'aime les amulettes, voilà, c'est mon truc, je veux vivre ma vie. Merde. Ou alors un coup de dague, voilà. coup de dague, moi j'aime bien, mais ouais. Il est charmant. Moi je peux le sucer. Il était là. Donc c'est le début du Floodcast. Alors il y a des petites actus insolites effectivement. Alors à Rouen, la piscine municipale a décidé de créer un événement particulier. À votre avis, quel en est le thème? Nudiste. Non. Dans la piscine, donc c'est dans la piscine. Hein, on... C'est dans la piscine, c'est dans le bassin. Harry Potter. Non, tu dis souvent. Tout le monde Harry Potter. Est-ce que... bah, je suis Harry Potter. Peut-être que je suis influencé par ce que j'ai autour de moi. Je sais pas. Peut-être. Mais ça n'a jamais été Harry Potter la réponse. Ouais, est-ce que c'est un concours? Poil de chat. C'est pas un concours, c'est pas un poil de chat. Bah, je dis ce qu'il y a autour. Hein. Non, mais c'est une représentation. Comment ça, une représentation? Enfin, genre c'est un show, quoi. Spectacle. Alors il y a un peu un spectacle, mais non, c'est vraiment un truc de déco. Ouais. Non, c'est les gens qui viennent se baigner à la piscine, ils ont un truc, ils ont un thème truc. Aussi, mais c'est ça, plus la déco, pas déjà. Plus n'agressez pas quand habillés. Vous m'agressez. Alors pas habillés, mais ils sont parfois habillés. Est-ce que c'est, pas ça, le est-ce thème, que c'est un thème qui de base a quand même un petit rapport avec l'eau? Aucun. Bizarre. Est-ce que ça a un rapport avec la bouffe? Est-ce que c'est un rapport avec la gueule? Est-ce que c'est un rapport avec la bouffe? Pas avec la bouffe. Mais attends, et c'est ouvert à une certaine heure, genre tard le week-end ou pas? C'est pas une partouze, hein. Non, non, mais parce que on va rentrer dans les trucs crades, c'est genre on peut se baigner à poil, c'est on peut pas se baigner le à poil. Le premier poil. Truc que non, j'ai non. dit, tu veux dire? Non, non, c'est pas ça. T'avais dit ça? J'ai dit le premier truc que j'ai dit, j'ai dit nudiste. T'as dit Harry Potter? J'ai dit nudiste avant. Vu que t'es à poil et que je m'inspire des trucs qui sont autour de moi. C'est un thème. Et pop culture? Bah, d'une certaine. Non, pas plus. Noël, Noël. Non, mais tu te rapproches. Pâques, pas musique. Pas Pâques. C'est une fête? Nouvel an. Non. Mais donc anniversaire, c'est une tu fois peux par faire par ton an à la piscine de Rouen, il y a ça. Une fois c'est par ça. An, ah, Jeanne d'Arc. Non. Jeanne d'Arc. Oui. Parce qu'elle est morte à Rouen. Mais comment ils viennent? Ils sont immolés par le feu, ils vont plonger vite dans l'eau. D'ailleurs, le pédiluve. J'en ai marre qu'on puisse plus parler de quoi que ce soit dans le podcast sans que les gens après nous taguent en disant vous avez parlé de nous, bah dis donc. Attends, un petit peu agressif. Le truc du magnète de Jeanne d'Arc là. Et alors, bah s'il vous plaît pas notre nom, vous avez qu'à choisir autre chose. Ça va, on peut parler. Ça fait des années qu'on encule le Puy du Fou. Ils sont pas emmerdés. Le Puy du Fou. On a reçu un mail là, du Puy du Fou. Ah, on le dit ça ou pas? On va pas aller trop loin, mais on a reçu un mail de gens qui nous invitaient. Ils nous disaient oh, vous critiquez, mais venez, attendez, il y a des dagues, il y a des choses, il y a des dagues. Je l'aime. Vous critiquez, mais il y a des dagues, enfin. C'est génial de dire ça. Et ils avaient invité mon frère. Et dans le mail, il disait contrairement à ce que disent certains, c'est tout cas, genre, clairement pas du tout orienté. On ne viendra jamais. Et donc là, la semaine dernière, on avait fait une vanne sur un magnète Jeanne d'Arc. Et les gens qui l'ont créé nous ont dit vous savez, c'est pas si mal. Et tout. Et effectivement, en fait, on oublie qu'on est écouté par des gens. C'est en toute amitié. Oui, mais oui. Non, mais c'est comme les imitateurs. On charrie que les gens qu'on aime, hein, nous, de toute façon. Non, ça, pas non. du tout. Non, pas du tout. Non, mais c'est juste qu'à chaque fois, moi, du coup, je me sens mal. Je me dis ah merde, putain. Déjà, clairement, le truc, c'est que c'est pas eux qui l'ont entendu. C'est que quelqu'un dit ils parlent de vous, allez écouter. Ils vont écouter. On dit c'est quoi ce magnète de merde? N'envoyez pas les gens écouter quand on dit. Et on a jamais dit ça, Adrien. On a un peu dit ça. Non, mais on n'a pas dit ça. Mais on a un peu ironisé sur le concept. Voilà. Les imitateurs disent vraiment, nous on imite que des gens qu'on aime. J'avais vu 2-3 imitateurs qui disaient ça, Ça dit les noms. Non, mais Gérard, il disait ça. Il fait non, mais moi je n'imite. Voilà, je me moque pas. Les gens dont on est fan, je suis fan de Ryan Gosling. Je vais jamais essayer d'imiter Ryan Gosling. Alors on les cure-dents. Alors on les cure dans ta bouche. Mais en revanche, tu veux imiter des voix de gars que tu peux pas blairer. Non, mais genre, oui, non, mais. Genre Jean-Marie Le Pen. Il le tient bien. Ça c'est dans le spectacle sur Amazon, faut le dire. C'est dans les bonus cachés. Mais ça, c'est un truc, quand les gens disent j'ai beaucoup de tendresse pour, et c'est vraiment l'excuse que les gens utilisent pour se foutre de la gueule de quelqu'un à chaque fois. T'as aucune tendresse, arrête de mentir. T'as les gens qui se foutent de la gueule des. Ouais, ça, j'arrive pas à dire ça, je suis d'accord avec toi. J'ai les gens qui disent non, mais je partage le truc, mais c'est parce que j'ai beaucoup de tendresse. Non, tu te moques clairement de cette personne qui chante mal. Et à chaque fois, ils partagent des vidéos de gens qui chantent ultra mal et tout. Il est trop mignon. C'est ah oui, parce que j'ai beaucoup de tendresse. Alors, vous étiez vraiment pas loin, vous parliez d'une fête. Roi bon, Mage. Bah, pas Roi Mage. Bah, tout ça. Mais t'as dit. Une fête chrétienne. Le pont, donc du coup, ils construisent un pont. La neige, la neige. Pas la neige. Est-ce que c'est une fête chrétienne? Pas chrétienne, non, mais on un se peu baigne païenne. Ou pas? Est-ce qu'on se baigne? Rien à voir avec se baigner, mais. Ah, païenne. On se baigne. Notre pas. Épisode Halloween. Halloween. Bonne réponse d'Adrien. Fais pas cette gueule, Baptiste. Toi, t'as une femme et des enfants, et moi, je réponds bien aux questions. Chacun son truc. C'est ce que je me dis à chaque fois qu'il m'arrive une galère. J'ai ah, y a Méniel quand même. La dernière fois, j'ai fait tomber un câble, j'ai fait ah, Méniel, il sort. Méniel, c'est vraiment un connard. Et oui, c'est Halloween. Regardez, oh. Sorcière, créature, rôle de casting. Mais attends, pour ils vont se baigner costumé, oui, c'est dégueulasse. Baigne, écoute-le, alors, il va expliquer. Je ne coupe jamais la parole, moi. Les tutos, je coupe la parole, t'es number one. Hein. Non, je vais vous montrer ce qui se passe, puisque j'ai une. Tu dis rien, il me parle comme ça, tu dis rien. Non, tu le préfères, en fait. Vos petites vidéos là. Qu'est-ce que ça m'a fait rire. Avec mes filles. Ah ouais, c'est drôle, c'est bien. T'as répondu à 9 personnes, c'est beaucoup. Je vous montre quand même le délire parce que c'est quand même une ambiance. Oh, oh, oh, c'est dégueulasse. C'est, y a du sang. Alors on explique, l'eau est rouge. Ah ouais. L'eau est rouge, elle est pleine de sang. Il y a des vieux qui font de l'aquagym. C'est dégueulasse. Avec, certains sont déguisés. C'est dégueulasse. Écoutez bien. Il y a des chapeaux de sorcières. Grâce à un colorant, évitez, fait des heureux. Ah, il y a la musique de Ghostbusters. Déguisé en quoi là? En espèce de diablotin. Il faut avoir pris des choses avant d'aller là. Il est vraiment, pour t'écrire, le monsieur est un monsieur, je pense, d'une soixantaine d'années qui est. Oh, 70, ouais, 70. Qui est en slip de bain, qui a un petit masque de diablotin. De diable. Non, mais c'est ça qui me fait rire. C'est qu'un diablotin, c'est un petit truc. De petit diablotin. Oui, non. Moi, je suis le diablotin. Non, non, lui, il a un masque de diable. Il a 70 ans. T'arrives en enfer, excusez-moi, vous êtes un diablotin. Non, non, c'est Satan. Non, je suis un vieux. Puis surtout, il est en slope, quoi. Il y a une dame sorcière. Enfin, voilà, il y a une ambiance. Mais quelle horreur. C'est tout un accueil. Mais non, mais faire de l'aquagym dans de l'eau de sang, là, c'est dégueulasse. C'est, le truc qui est le plus surprenant, effectivement. Ils ont mis vraiment d'un colorant rouge dans le bassin. Surtout qu'ils sont tous très vieux. La piscine, souvent, c'est des vieux. Moi qui allais souvent à la piscine. Il y a souvent non, mais des là, vieux. Là, c'est un cours pour seniors, je pense. C'est possible. Voilà, l'aquagym, là, c'est souvent des vieux. Non, mais c'est oui, un voilà. cours d'aquagym dans de l'eau rouge, mais c'est ouais. nul. Mais apparemment, mais attention, tout le monde, enfin le directeur de la piscine tient à rassurer tout le monde. Ce n'est pas du vrai sang. Et c'est un colorant. C'est de la chiasse de vieux, il a dit. Ça, on pourrait croire que c'est de la chiasse de vieux. C'est le moment de pisser d'ailleurs, ça se voit moins, c'est le moment de pisser. Non, ça ne colore pas les cheveux. Parce que là, les ah bah là, les permanents, c'est tout. Là, c'est une cata. Évidemment, c'est en Normandie. Est-ce que ça. C'est pas possible. Est-ce que ça va abîmer les hanches en titane? Ouais, non, mais oui, c'est ça. Mais même, est-ce que ça va boucher? Enfin, pour moi, c'est obligé. Non, mais après, ils ont l'air contents. Non mais en vrai bon, mais, il met un masque mais et tout, t'es un poète en fait. Mais non mais bon, c'est parce qu'après la piscine de Rouen va nous dire hey, oh c'est super. Ouais, donc, à chaque fois je vais dire l'eau rouge ça me dégoûte. Très mauvaise idée. Mais bon, les vieux ils mettent des masques, ça les fait marrer et tout. Super. Oh, marrant, hein. Marrant. Mais oh le poète là. Hey, Robin Williams super, fait l'appel. Alors c'est Halloween, c'est l'horreur, c'est la peur. Oui, parce que ça sort le 30 octobre. Voilà. Mais c'est le thème. Mais attends, ah, non, c'est pas, le 30 Halloween. Ouais, c'est le 31, mais nous on sort les lundis. Donc ah oui, coup, oui, on oui. est un petit peu la veille. Les gens qui adorent Halloween sont pas énervants. On prend un virage dans le podcast où on dit tout ce qui nous énerve de plus en plus. Non mais j'attends quand même que ce soit un peu le thème. Attention les gars, toc toc toc, qui est là? C'est Pascal Pro. Non mais ça m'énerve. Écoutez, ça m'énerve. Non mais tout m'énerve. Non mais c'est vrai. Non mais tu fêtais pas Halloween toi? Oh, c'est spooky. Spooky season ou quoi? Je suis une sorcière. Arrêtez. Faites peur à personne. Faites peur à personne. Halloween à New York, vous avez jamais vu? Non. Je suis passé où il y avait la parade. C'est oui. Franchement, c'est assez extraordinaire. Par contre, l'ambiance est folle. Mais vraiment. Parce que c'est une fête plus américaine, c'est déjà. Ça, c'est beaucoup plus américain. C'est nous, c'est vraiment un déroulé pour les pédophiles. C'est vraiment juste toc toc toc. Bonjour. Vous voulez du vin? Oh bon, ouais, why not? Mais moi quand j'étais en Bourgogne, il y avait trois personnes qui devaient fêter Halloween dans toute la ville. Ça a pété. Et bah, moi je me souviens, ils frappaient à la porte et donc bah on veut des bonbons. Ils étaient pas déguisés. On dit bah faut un déguisement et tout normalement. Non mais... c'est juste un hold up là. Et on a dit on a pas. Non mais mec, ils avaient 25 ans. Et bon bon on dit... je suis bourré. J'ai besoin de redescendre. Le micro-ondes là. File-moi ton micro-ondes là, salope. Donc on dit t'as des bolidos. T'auras un jerrycan d'essence pour la caisse. Et c'est Halloween ça. Ouais. Ou sinon je jette un sort hein. Oh les multiprises là, prends-les là. Je peux utiliser tes chiottes. Le groupe électro. Ah chier chez les gens. Et on fait ça. Ça fait peur, pardon. Là, j'utilise tes chiottes ou un sort. Et quand je parle d'un sort, c'est te chlasser, ok. Écoutez, ils sont rentrés chez nous. Ils ont chié. Ils ont utilisé nos brosses à dents. C'était terrifiant. Bah oui, mais monsieur, c'est Halloween. Maman. Vous avez eu peur ou pas? Bon bah voilà. Pour raconter mon anecdote, c'était ça. C'est-à-dire que. Il disait on veut des bonbons, ils étaient pas déguisés, on fait bah on a pas de bonbons parce que nous on fêtait pas Halloween. Faut voir, on peut prendre des sous aussi. Hein. Et donc ma mère leur a donné des pièces. Oui, donc c'est vraiment elle s'est fait raqueter quoi. Tu m'étonnes que tes parents ont divorcé. Ton père il a dû péter un plomb ton père. Donc tu gagnes 1800 francs par mois, tu leur as filé 50 balles. À tailler des buissons. Hein. C'est un buis là que tu viens de me donner. C'est combien de blé j'ai taillé pour 50 balles. Alors ah mais tu respectes pas. Florent, va dans ta chambre. Donc Adrien, tu fêtais pas Halloween toi? Bon non, mais moi quand j'étais enfant, c'était pas du tout un truc Halloween. Ah ouais? Non, ça a vraiment pété quand Halloween. Je sais pas, moi en vrai, j'en entendais parler. J'ai fait des soirées Halloween quand même. Ouais. Voilà. Ouais. Non, mais c'est un truc de grande ville, c'est pas un truc de campagne. Ouais, c'est vrai. Bah oui, parce que déjà, après, on n'allait pas. Quand les maisons sont vraiment espacées, tu peux pas y aller à pied quoi. Mais on n'allait pas gratter des bonbons, nous. Ouais, vous dites, c'est juste une excuse pour faire la teuf. Oui, du crack quoi. C'est pas Halloween ça. Alors, c'est Halloween, c'est l'horreur, c'est la peur. Des policiers anglais ont été appelés car un cadavre de femme a été retrouvé dans la forêt. Alors, on ne voit qu'une main et un pied et ça reste le floodcast, c'est bonne ambiance, c'est évidemment pas un cadavre. Je vous demande, qu'est-ce que c'était? Alors attends, c'est un truc de promo, c'est un truc. Il y avait une main et un pied. Un mannequin? Alors pas un mannequin, pas un truc de promo. Harry Potter? Ce n'était pas Harry Potter. En Angleterre, c'était des une trucs main d'un, et d'un un film. Alors c'était pas un truc d'un film, c'est-à-dire qu'une un gant de vaisselle gonflé. Pas un gant de vaisselle. Une scène coupée de Projet Blair Witch. De Six Pack avec Frédéric Dufinta. Ta gueule, je bosse sur un film. Oh, ça c'est génial. Je tourne un film en ce moment avec un des anciens régisseurs du film. Donc j'ai plein d'anecdotes sur Six Pack. Vous connaissez pas Six Pack? On parlait d'Halloween qui était la version française de la mec. Six Pack c'était le Seven français avec Frédéric Dufinta. Avec Richard Conida. Et Frédéric Dufinta. Bah je vous invite à le regarder. Tu vois le tueur au bout de 15 minutes. Il a sa gueule, donc t'as aucune enquête, y a rien du tout, y a aucune. Non, c'est génial, mec. Donc, oui, une pied et une main, en fait, c'est quelqu'un qui se baladait, qui a trouvé ça, qui appelle les flics arrivent et là, oh, c'est des bonbons. Pas des bonbons. En forme de pied et de main. En forme de pied et de main, ouais. C'est. Donc c'est quelque chose en forme de pied. Alors c'est pas quelque c'est chose pas en forme de. Mais c'est pas un chiropracteur qui a oublié son squelette ou un truc comme ça. Non, c'est pas ça. Mais effectivement, c'est plutôt des trucs à taille humaine. Forme de... Des dessinateurs. Ah, des chaussettes et des gants? Non, mais ça aurait pu. Voilà. Des chaussettes à orteils. Mais avec est-ce des que c'est en matière plastique? C'est horrible, ça, d'ailleurs. C'est plastique? C'est plastique. C'est en plastique. C'est en plastique. Et ça vient pas d'une poupée? Ça vient d'une poupée. Ça vient d'un magasin? Ça pas d'un magasin. Pas d'un magasin. T'es très Barbie. Proche, hein? Barbie. T'es très proche, Dolly. Attends, pas Barbie. Poupée gonflable? Une poupée gonflable. Ah oui, mais bien sûr. Pourquoi j'y étais pas? Oh là là, non, mais là, tu m'as fait la passe D là. Hein. Pour moi, c'est une action collective. Eh, vous êtes le rugby ou quoi? Je suis dans l'actu. Je suis dans l'actu. Ouais. Voilà. Mais t'es pas tapis, toi? Je suis tapis. Tu rigoles ou quoi? Attends. Attends. Mais... Là, je te le rachète pour un franc symbolique, ton anecdote. Qu'est-ce que tu vas faire? Dans 10 ans, c'est un empire que je te bâtis là. Faut voir plus grand que le bout de tes orteils, mon pote. Attends, tu rigoles ou quoi? Adidas, c'est pour moi. Attends, c'est mon bébé, putain. Pourquoi ça me plaît autant? Parce que moi, j'y suis. Moi, je le vois. Je peux plus m'arrêter. Ah, je le vois. J'ai trop de mal à m'arrêter. Je suis dedans, je suis lui. Je suis tapis. Donc, prenant cette affaire très au sérieux, les forces de l'ordre se rendent immédiatement sur place. Ils bouclent la scène du crime pendant 31 heures, quand même, soucieux de ne pas la saisir. 31 heures? Ah ouais, bah ils disent. Avant de découvrir. Non, mais 31 heures, c'est-à-dire que. On aurait dit faux que c'était faux, là. Vous avez fait en même temps 31 heures! Scooby-Doo! Ouais, on dirait. Ouais, ou genre une pub pour les mystères de Pékin, c'est. C'était Shaoli le meurtrier! Non, les derniers, en fait, ils voulaient pas toucher le cadavre, ils ont pas l'habitude. Eux, ils voient un bout de cale, t'es au fin fond de l'Angleterre. Les 11 biffes. Non, tu touches pas, je pense. Non, mais avec un bout de cale. Ils avaient tous vu que c'était. Pardon. Vas-y, non, vas-y, je c'était pas du tout intéressant. T'as pas le droit de toucher, je pense. T'as pas le droit de toucher. Même non, mais 31h, c'est long. Ouais, mais c'est quand même long. Un peu des génies. Ma théorie, c'est qu'ils avaient tous vu que c'était une poupée gonflable, mais qu'aucun voulait admettre qu'il pouvait reconnaître une poupée gonflable de 6 mois. Il a dit, oh non, ça doit être vrai, je sais pas, j'en sais rien. J'ai la même. Attends, du coup, ils l'ont fait analyser, la poupée. Oui, en fait, ils ont attendu l'arrivée d'experts, de la scientifique et un médecin légiste pour que ces derniers se rendent compte, effectivement, que cette dépouille était en réalité une poupée sexuelle abandonnée. Et le mec l'a dit, bah, c'est une poupée gonflable. Et on fait, ah, le porc. Ah, ah, dégueu. Tu touches la zigounette, toi, gros porc. Spermer. Qui gonfle une meuf pour la baiser, ah ouais. C'est fou. C'est comme j'avais entendu un podcast, parce que j'en écoute beaucoup, des trucs de crime, Bah oui. Et c'était genre, on a retrouvé la tête calcinée de Martine dans un bois du Val d'Oise. On en a conclu à un suicide. mais quelle gourdasse, cette Martine, hein, d'aller découper sa pizza au feu de bois avec une scie sauteuse en forêt seule. Pour ramener le groupe électro, enfin c'est toute c'est une organisation. Ou alors c'est vraiment flamboyant comme manière de. Je me suffis pas comme tout le monde. Moi je ferais pas chier la ligne 8. Hein. Je me coupe la tête et elle brûle après. Moi je vais pas vous embêter avec mes problèmes. Hein. C'est en forêt. Ouais. Alors quand ils ont finalement sorti le cadavre, entre guillemets, ils ont réalisé l'erreur, hein, relaté une source proche de l'affaire. Les policiers ont bien ri. C'est une poupée sexuelle très sale, cassée. Et surutilisé. Mais donc je pense que c'est pas une poupée gonflable, c'est une poupée dans les mains et les pieds. Peut-être. L'histoire ne le dit pas, Douli. Je te le conseille. Non, mais du coup c'est pas une poupée gonflable, c'est une poupée, les poupées hyper réalistes. Je pense. L'enquête a révélé que c'était Cyrus North qui avait fait le coup. Donc je sais pas si on a retrouvé. On a retrouvé. J'ai pas la ref. Il a fait une vidéo avec une poupée androïde. On a retrouvé un kimono sur les lieux du crime. Oh là là. Non mais le sketch de Bill Burr est incroyable où il raconte le mec qui sort chez lui et qui dit je vais m'acheter une poupée gonflable, le courage qu'il fallait pour se dire tu sais, t'arrives au comptoir et dis bah je voudrais ça s'il vous plaît, le mec te la vend et tu rentres et t'es mi excité mi machin honteux, pas bien honteux. L'après orgasme doit être terrible. Quand tu jouis dans après tu fais quoi, déjà que des fois il y a une pointe de honte qui sort un peu de nulle part, juste quand tu t'es branlé et t'es genre Il est 15h, tu fais bien ta vie, c'est cool, bien ta vie, dans une heure c'est le goûter, super. Tapis à cette heure là il était en train de bâtir un empire, toi t'es en train de te... Alors t'imagines quand c'est une espèce de poupée inanimée là comme ça, que tu la regardes, tu fais bah qu'est-ce que je fais, putain. Ça fait comme les matelas gonflables sur lesquels tu dors, c'est un peu dégonflé, en plus elle est un peu telle à la tête. Elle fait un petit bruit. Mais tu dois toujours avoir un petit bruit. Mais tu vois ce bruit qui est relou quand tu baisses dans un lit et que ça couine. C'est trop loin pour moi, j'ai oublié. Alors un sondage a révélé les comportements attendez, la question est disponible puisque j'ai les AirPods d'Adrien sur mon monde. Je vais les ranger sinon je vais. Mais trouve une boîte et ouvre-la. Tu veux que je sorte une boîte à chaussures, Adrien? Son petit truc anti-stress. Il est stressé. Mais comme pourquoi pas il est stressé de... Un sondage. Ah, mais en même temps, pardon, je voudrais dire à Apple. Ah ouais, c'est débile ça. C'est le meilleur fidget toy qui existe, avec le petit aimant juste assez puissant là. C'est trop bien de le faire. Bah, et pourquoi, ça. Et pourquoi devoir le connecter à n'importe quel utilisateur? Oui, en plus, c'est-à-dire si tu vas dans un Starbucks et que tu fais ça, ça fait chier. Et avec les un briquet, t'aimes pas avec un briquet, avec un Zippo là, clac, clac, clac. Ah, peut-être, peut-être. Mais ça fait du bruit. Bah peut-être. Non mais je sais pas, mais là c'est juste que c'est ce que j'ai sous la main, mais en fait, il me faudrait ça, mais juste pas des AirPods, juste une boîte avec un petit. Comment tu fais? Oh là là, Anthony Cavada. Tu veux une première partie ou quoi là? Oh là là. Un sondage a révélé les comportements que les voyageurs en avion détestent le plus. A votre avis, qu'est-ce qui est arrivé tout en haut? Je vous donne un top 5. J'aime bien votre top 5. Attendez, Douli. Putain, mais c'est vraiment un bon podcast, putain. Mais oui. C'était quoi la question, chérie? La question, c'est un sondage qui a révélé les comportements que les voyageurs en avion détestent le plus. Les bébés. Il y a pas les bébés. Les gens qui enlèvent leurs chaussures. Les gens qui enlèvent leurs chaussures. Il y a quoi? Pas les gens qui enlèvent leurs chaussures. Les chaussures, chérie. Ah oui, mais tout le monde te hait sans doute. Les gens. Attends, j'ai une question. Qui abaisse le siège déjà? Alors, non, même pas. Une question pour Douli. Toi, tu enlèves tes chaussures dans l'avion. Ouais. Est-ce que tu fais ça dans tous les endroits où t'es un peu à l'aise? Genre au cinéma, tu enlèves tes chaussures? Dans le cinéma, dans les trains, dans les voitures, tout dans la rue. Parce que je m'allonge, j'essaye en fait de m'allonger, je me mettais en boule comme ça, mais je suis très petite moi. Oui. Je me mets en boule comme non, ça. Non, prends pas de place. Hein. Je mets mes pieds comme ça, mais tu m'as déjà vu dans les trains. Bah bien sûr. J'ai toujours des positions cheloues. T'as toujours des positions cheloues. Bah t'es dans le, les, avec les valises d'ailleurs, on te fout au-dessus là. Tu me mets dans le coffre, je suis bien, chérie. La RATP t'as déjà tiré dessus. Ouais, ouais. On croyait que t'étais un collier abandonné. Paf. Enculé. C'est doudou, putain. Oh, pardon. Alors attends, donc non, il y a pas les bébés, il y a pas le siège. La bouffe. Oui, pas la bouffe qui pue. Bah, c'est vrai que la bouffe pue dans l'avion, ça c'est. Ouais, mais personne emmène sa bouffe dans l'avion. Non, même quand il sert, je trouve quand il sert, des fois la bouffe. Oui, mais c'est pas un comportement du coup, c'est. Pas les gens qui ronflent. On te réveille pas pour le plateau repas. Non. Ah, c'est le comportement des usagers, je pense. Avec Jean-Philippe Janssen. Tu vois, j'ai un répertoire. Qui est un ancien steward. Un ancien steward. Et qui disait que la pire compagnie aérienne où fallait rentrer dans l'avion, c'était sur les compagnies coréennes parce qu'ils bouffaient du chou rouge. Ah. Et que quand tout le monde pète. Le kimchi. Et quand tu ouvres l'avion. Ah, ça sent le chou. Les compagnies de nettoyage disaient non, mais nous on veut une augmentation. Quand on va... Non, mais les mecs. Non, mais ça sent parce que ça pue le pet. Ça pue le chou et ça fait péter. C'est ça. Parce que y a des trucs avec les toilettes. Il n'y a pas les toilettes. Non, mais il n'y a pas le mec qui est au hublot et qui se lève. Non. Attends, il n'y a pas la meuf qui a eu la chiasse sur toute l'allée et qui a dû l'avion a dû faire demi-tour. Ça doit être quand même dans le classement. C'est pas dans le top 5. Oh, ça, j'aurais tellement aimé être dans cet avion. Excusez-moi, j'ai trop chié. Il faut qu'on fasse demi-tour. Oh, bah attendez, je vais être à Atlanta à 17h. Oui, mais j'ai envie de faire caca. Oui, parce que c'était une femme d'ailleurs. On l'avait pas dit, mais je l'ai entendu dans un autre podcast. La chieuse. Quoi, elle avait chié. Il y avait un Netflix. Non, mais elle a été. La chieuse du Boeing. Non, mais c'était horrible. Elle a tabousillé un Boeing. Sully avec Tom Hanks. T'as les urgences. Non mais meuf, t'as pas vu. Attends, Douli, elle a pas vu. Moi, je t'en supplie, Adrien. En gros, il y a une femme. Non, on va faire vite. Bon voyage. C'est un vol qui allait des États-Unis en Espagne, je crois. Je crois que c'est ça. Et en fait, sur le trajet, la meuf, elle a eu une immense chiasse et elle a vraiment chié, mais dans toute l'allée, elle a fait une trace de merde et l'avion. L'avion, il a été décidé. Vraiment, excusez-moi. De faire demi-tour. Ils ont fait demi-tour. Oh, la chieuse. Parce qu'ils ont dit c'est une question de santé, d'hygiène. Ouais, genre on patauge dans la dorme et tout quoi. La descente plus, de l'avion. Tu sais, c'est de l'air recyclé et tout, donc c'est horrible. En vrai, c'est horrible. Mais c'est pire que la meuf du jacuzzi. C'est la nana qui ça, pour moi, c'est un fake ça. Ça, c'est un vidéo, fake. Pour c'est moi. Du Nesquik. Je sais pas. Tu vois le visage de la nana. Elle a vraiment la panique juste une seconde avant. Tu vois une panique dans son visage. Tu crois visage. Que c'est faux? Moi, je vois la vidéo moi, culte je suis dans du web. Web. Je connais. Ouais. Moi, déjà, j'avais débunké à l'époque. Non, à mon avis, moi, c'est un fake. Mais bon, après, voilà. Parce mais après, cela dit, joue pourquoi bien, pas hein. Est-ce qu'elle fait vraiment ça va durer longtemps et tout. Et c'est une bonne caméra de... Elle est dans les années 16, elle joue vraiment bien. On parle peut-être pas de la même. Si, elle se lève et t'as un petit morceau rock au fond. Non, mais elle est dans un jacuzzi. Ouais, dans un jacuzzi avec trois autres personnes. Et elle se lève... Le jacuzzi est attends, marron. Elle est debout. Et elle se lève non, d'un elle coup. Se lève. Elle fait, d'un coup, elle se lève. Et c'est marron. Ouais, c'est peut-être ça, complet. Mais ouais, je sais pas. Il y a bon, aussi la fou, journaliste allemande avec son jean blanc. C'est horrible. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oh bah, à ton avis. Elle se décompose petit à petit devant la caméra. Tu sens que ça, il y a un truc qui ne va pas. Et là, elle se retourne. Elle dit, je suis désolée et tout. Et elle s'en va et elle a un jean blanc. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. C'est horrible. Putain, mais elle est géniale cette année. C'était mission le vol, hein. Le l'allée, vol, mec, c'est horrible. L'allée entière. Ouais. Et ils vraiment, après, ils ont dû réatterrir. En fait, donc le truc a dû. Ça coulait vers les pilotes. Très mauvaise idée, on fait looping. Moi, je me penche, je mets le mec en avant. Ça doit être la première fois que dans l'avion, ça s'est pas trop bousculé pour descendre à l'air. Non, mais allez-y, je vais voir comment vous débrouillez. Je vais apprendre de vos erreurs et je vais descendre après. C'est comme des situations finales, il y a quelqu'un qui avait fait un rêve prémonitoire. Ne montez pas dans cet avion. Elle va chier. Elle va chier partout. Destination fécale. Oh joli. Oh. Merci, je suis auteur. Voir les gens sur Prime Vidéo, n'hésitez pas. Destination fécale. Attends, putain, 5 comportements, on n'en a pas dit un de plus. Attends, parce que c'est pas possible. Parlez fort. Il n'y a pas parlé fort. Non, mais. Je te jure, il n'y a pas parlé fort. Je suis désolé, Douli, j'aimerais te donner la bonne réponse, mais c'est pas le cas. Est-ce que c'est dormir avec un cache-œil et du coup tu peux plus bouger? Comment? Genre tu t'endors. Ça c'est les pirates. T'es côté couloir et tu t'endors avec ton cache-œil. Et du coup, bah, tu bloques tout le monde. Non, dedans. C'est pas ça. c'est pas ça. Il y a mais pas de fou. Hublot ouvert genre. Ah si, baisser le truc du hublot. Ah non, ça y est pas non plus. Oh non mais attends, mais mec, mais ton quiz il est pas fait. Et t'énerve pas. T'énerve, okay. Non mais moi je suis énervé. Mais moi ça m'énerve dans les TGV moi. C'est pas la bouffe, c'est pas les toilettes. Les volets des hublots. Parce que c'est sur deux rangées, c'est ça qui est mal fait. Sur deux rangées et du coup quand il y a quelqu'un, il lève et t'as le soleil dans la gueule, tu fais bon, s'il te plaît, enfin un petit peu de respect. Je crois que t'allais dire l'inverse. Non, l'inverse, à la limite je m'en fous. Bah non, parce que t'as envie de voir le paysage quand même. Alors la France c'est un beau pays. Oui, je suis poète en fait. Je sens pas les couilles. Il est tapis mais il est prévert aussi. Tu vas voir deux biches à champ. Personne n'est de mon côté là. Pardon. Bah, si vous n'aimez moi, pas la j'adore France. Le train. Et j'adore regarder le paysage et si non, quelqu'un il pèse pas, le store. Tu passes pas ta vie dans les trains, toi. Moi j'en peux plus. Allez ta gueule. Ouais. Moi j'arrive à voir. En regardant par la fenêtre, j'arrive à savoir où on est. Ouais. Ah ouais, j'ai pris le train. Tu veux une médaille Bon attends, c'est pas la bouffe. Bon, c'est pas les stewards. Alors, il y en a un concernant les stewards. Allez, je peux vous donner celui-là. Il parle mal. C'est le numéro 4. Voilà, les gens qui parlent mal au personnel navigant. Non, c'est l'inverse. Ah non, merde, parce qu'il y a quand même des personnels navigants qui sont assez désagréables. Très oui, bourgeoise, bon, c'est beaucoup en bourgeoisie, Douli. Ouais. Même parfois, le personnel navigant, il est désagréable. Déjà, ils disent pas forcément bonjour. Du tout. Mais attends, mais laisse tomber, il y a des fois où c'est vraiment genre, tu lui demandes un verre d'eau, t'as l'impression de. Bah, donc, moi, t'as qu'à pas prendre autant l'avion. Oh là là, il est déconstruit. Non, mais moi, la dernière fois, on m'a un peu fait chier parce que j'étais côté sortie de secours. Et ah oui, t'as une responsabilité. Et donc, t'as une responsabilité, tu vois. Oui, mais tu dis oui à tout. Et tu dis bon. Oui parce que tu dis bah non, changez-moi de place. Enfin, non, bah vous. Après, t'en fais des quiz pendant tout le trajet. Alors, s'il y a des pressurisations, faut faire quoi mais... Et voilà, t'as rien écouté. Avec ton gros nez, quoi. Quel rapport. Et puis, Jeff Mimou, et bah t'inquiète pas qu'il est pas dans l'avion. Non, mais en gros, c'était le gars faisait son truc là, exercice de sécurité. Plus personne ne les regarde. Et j'étais sur mon téléphone. Parce que... Oh, tu t'es fait engueuler. Je me suis fait engueuler. Tu t'es fait engueuler parce que tu regardais pas l'exercice de sécurité. Je regardais pas l'exercice de sécurité. Bon. Non, mais attends, tu peux dire, c'est bon les gars, je prends l'avion toutes les semaines. Alors, cela dit, c'est pas le cas du tout. C'était la genre cinquième fois de ma vie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai essayé un peu de m'en tirer comme ça. J'ai fait. Non mais c'est bon, je les connais, ça va. Il dit oui mais faut quand même les écouter. Bah allez-y, répétez pour toute la classe alors. Non mais c'est bon. Ça va. Au lieu de taper. Oh, je vais chier dans l'avion. On n'ira jamais à Atlanta. C'est la deuxième fois que ça arrive en deux semaines. Oh, j'ai vraiment pas le bol. Alors bon, absence de politesse à l'égard. Alors ça c'est le numéro combien? Ça c'était le numéro 4, dis-toi. Attends, okay. Mais putain, je comprends pas. Mais attends, c'est entre les passagers déjà. Est-ce que calmez-vous. C'est entre les passagers? C'est en général dans les avions. Les mais comportements. L'air conditionné. Non, les comportements. Faisons une petite pause. 5 secondes où on se calme. Redis l'intitulé. Un sondage a révélé les comportements que les voyageurs en avion détestent le plus. C'est que les comportements de voyageurs. Voilà, les usagers. Que les usagers. Okay. À votre avis, lesquels arrivent tout en haut? Donc, c'est pas avoir un bébé, les pas gens vraiment... qui sentent. Non, pas les gens qui sentent. C'est fou qu'il y ait pas les trucs qu'on a dit au début. Après, il y a plus grand chose, gars. Enlever ses chaussures, pour moi, c'était number one. Alors, tu sais quoi, je t'en donne un. C'était pas enlever ses choses, c'était mettre les pieds sur le dossier du siège d'en face, par exemple. Et insister pour mettre les valises en haut. Ça ne passe pas, monsieur. Non, mais si ça rentrait, pas mal, mais ça y est pas. Taper dans, dans le dossier. Bah, c'est un peu ça, mettre les pieds sur le dossier du siège d'en face, tu vois. C'est un petit peu ça. T'énerve pas. Harry Potter ? C'est Harry Potter, oui. Est-ce que c'est regarder Harry Potter ? Non, c'est pas Harry Potter. Alors qu'en vrai, bon. Ok, il n'y a rien de sonore. Il y a pas. Et tu sais quoi ? Pas du tout. On arrive quand ? Il n'y a personne qui grise ça. Moi, je crie ça tout le temps. On arrive quand ? On arrive bientôt, monsieur. On arrive quand ? Vous avez un petit schéma avec un avion et la carte du monde. Ouais, attends, mais ça me saoule, moi. Je suis dans l'humain, moi. Ça arrive quand ? Ça va pas assez vite. Vous avez vu qu'ils ont mis des. Alors, je sais pas si sur Air Corsica, je sais pas s'ils l'ont mis dans tous les avions. Mais genre, il y a un petit message. Donc, pour les aveugles. Donc c'est un message vraiment genre si t'es aveugle et tout, donc déjà bah super. Ouais, ouais. Merci, c'est écrit. Oui. Ce qu'il faut faire pour pas être en galère s'il y a un problème. Ah quoi. Oui, à l'écrit. À l'écrit. Bien vu. Ouais. Excusez-moi, je suis aveugle. Vous pouvez bien le truc en train de se cracher. Bien sûr, monsieur. Alors. Et aussi pour le mec en civière. Pour le mec en civière, il y a un message aussi. Mais oh le mec en civière, a priori, il a pas le petit fascicule. Ils l'ont même pas mis en bras, ils sont cons. Bon. Mettre les doigts dans son nez, par exemple, et dedans. Oh, ah ouais. C'est pour vous dire. C'est mais petit. C'est pas que dans l'avion, ça. Non, ça, c'est je suis d'accord. Mais c'est pas forcément que des trucs dans l'avion. Attends, quelle est la source? Quel est le truc, là? T'énerve pas. C'est pas que dans l'avion. Bah, je sais pas. On se gratte le cul. Alors pas se gratter le cul. Pas se gratter le cul. Alors y a pas. Non, y a rien. Alors moi, je ne supporte pas. J'ai fait un nombre de Paris New York. Incroyable. Tout le monde se gratte le cul. Les gens qui se mettent des piles. Dans l'urètre. Piles dans l'urètre. C'est pas que dans l'avion, mais quand même surtout dans l'avion. Monsieur, c'est numéro 2. Monsieur, arrêtez de vous gratter le cul, s'il vous plaît. Non, par contre, sur les vols long courrier, t'as des trucs extraordinaires. Moi, j'avais un souvenir, j'allais en République Dominicaine, et le soir, quand tout le monde dort, t'as un nombre de films considérable, t'as 15-20 films, et je me souviens, il y avait 300 la suite. Ah oui. Le 2, et qui est vraiment chaud patate, avec Eva Green notamment, qui est à poil tout le film. Okay. Et vraiment, les lumières s'éteignent, tu vois que des meufs dormir, et je me lève pisser, et je vois 14 écrans de mecs devant 300, le 2, genre, oh putain, avec la meuf qui dormait à côté. Tout le monde battait 300, tout le monde allait aux chiottes. Il y a un comportement qui est aussi relou dans le pété, train. Pété. Tu peux péter dans l'avion. Mais non, mais je sais pas, ça a l'air d'être des trucs. Je trouve que les pets, ils se diffusent plus vite dans les avions. Ça sent plus vite la merde ? Non, ça part plus vite justement. Ah ok, l'inverse. Parce que le bruit du réacteur, ça couvre. Peut-être. Ah le oui le. Ah oui, le mais bruit, je crois que l'odeur, moi j'ai l'impression que ça sent plus fort dans les avions. Ça c'est d'ailleurs une blague dans. Je sais pas. Funny People. Oh, il est bon lui. Ah oui. C'est Seth Rogen qui fait une blague. Seth Rogen où il dit, et Adam Sandler. Ah oui. Dit, quand le bruit sur le bruit. Ouais. Oui. Il fait des blagues de paix. De faire que les blagues soient pétées, de branler. T'as pas envie de baiser un jour. C'est ça. Alors le numéro 1, je vais vous le donner. Le manspreading. Tout simplement, oui, bah oui, c'est le fait d'écarter les jambes et du coup tu enlèves de la place. Les mecs, les mecs qui écartent les jambes comme la coudoir est numéro 2. Il y avait la coudoir. J'aurais dû y penser parce que ça m'est arrivé plein de fois. C'est le truc du théâtre. Après, faites des accoudoirs plus larges. Ça, c'est très bizarre. Et au cinéma, c'est pareil. Tu dis, mais faites des accoudoirs un d'ailleurs, petit peu plus larges. Est-ce qu'il y a une règle d'accoudoir ? Qui a le coude ? Toi, il devrait y avoir, genre, si t'es à droite, t'as le droit de mettre ton coude. Oui, non, mais il n'y a pas sûr. De règle d'accoudoir. Une sorte de. Oui. Parce qu'on sait jamais qui a la priorité. La règle, ça devrait être quand t'es au milieu, t'as le droit aux deux accoudoirs, ouais, parce que d'accord. T'as la pire place. Ouais, je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. Elle devrait même être moins chère. Celui du moi. Milieu, ouais. Bah, franchement, elle est horrible cette celui place. Du milieu devrait avoir les deux accoudoirs. C'est d'ailleurs ce qui se passe en général. On lui laisse par politesse. Donc le manspreading, l'accoudoir, les accoudoirs. Ok, donc tousser ou éternuer. Oui, voilà, c'était ça, c'était tout. Sans se protéger. Non, mais sans, tu vois, sans se protéger le nez. Ouais. Ah bah oui, bah. Ouais, c'est... mais c'est pas vraiment un truc d'avion. Mais Flo, oui, là. C'est comme dans le métro, partout, okay. Mettez des masques. C'est pas. Non, mais on a tout dit. On a dit les cinq. On a tout dit. On a dit. Je pensais que c'était plus. Ok. Alors, avion heureusement toujours... qu'on a parlé de la meuf qui chiait dans l'avion. Ouais. C'était pas... Non mais avion toujours. Très très bonne histoire. Ça me permet d'enchaîner. Il y a une légende urbaine sur les voyages en avion et West France a enquêté pour révéler que c'était une immense supercherie. Oh putain, j'adore. Ah, quand tu nais dans un avion, est-ce que t'as la le billet, nationalité oh, ah, il est fort. Tout à fait. Le billet à vie. Et bah, putain, je l'ai encore dit à mes filles ça. Et bah, c'est faux. C'est, alors, c'est moitié vrai, je crois. Il y a plusieurs histoires que je m'en vais vous raconter. Bah vas-y. Ça dépend pas des compagnies. Exactement. Exact. Air France, par exemple. Alors déjà, Air France, ils disent, nous, ça nous arrive à peu près une fois tous les 15 ans, sachant que t'as à peu près 70 millions de passagers par an. Tu vois, c'est vraiment tout petit. Donc, ouais. Tu peux te permettre de faire un truc un petit peu. Eh bah pas du tout. Chez Air France, Air France, les rapiers. Non, Air France et tout ce qu'ils font. Alors ils disaient aussi qu'il y a une autre légende urbaine que je ne savais pas. C'est le commandant de bord devient le parrain du bébé. Ça, je ne savais pas. Ça va les couilles. C'est vrai. Non, c'était apparemment une autre légende urbaine. Ça va pas. Mais Jean-Luc, enfin, je ne t'as même pas le droit de choisir le parrain de ton fils. Plus c'est bah, c'est ça. Le porte-parole d'Air France affirmait que la compagnie savait avoir le geste approprié pour féliciter la famille comme une bonne bouteille pour les parents. Ouais, de nul. France. C'est un peu nul. Ce que font tes voisins, quoi. Ouais, ouais, vraiment exactement. Nul. Sachant qu'en 2015, c'est encore pire parce qu'un bébé né entre Dakar et Paris avait reçu de la part d'Air France une peluche Air France. Avec des punaises de lit dedans. Ouais. Je pense que la mère, tu sais, était peut-être retenue pour avoir le billet à vie. Elle avait une peluche, très déçue. 2 ans plus tard, un jeune Américain né dans les airs s'était vu offrir lui un billet d'avion pour le coup chaque année pour son anniversaire. Ah, ça c'est mieux, déjà pas mal. Attends merde, j'ai pas entendu. Quoi bah en fait chaque année à son anniversaire il avait un billet d'avion gratuit. Voilà. Ouais. Mais il est pas obligé de voyager le jour de son anniversaire. Ça je un sais pas. Paris-Nice il ne le dit pas. Ouais c'est ça. Je sais oui pas. C'est ça la destination aussi, il faut voir. Aussi c'est. En Arabie Saoudite, entre l'Arabie Saoudite et l'Inde, il y a un gars qui avait gagné le jackpot lui pour le coup. C'était chez Jet Airways. Il avait reçu des voyages infinis et illimités. C'est-à-dire que le gars pouvait voyager quand il voulait. Malheureusement, il est mort la compagnie aérienne a disparu au bout de 2 ans après la naissance. Donc autant te dire que c'est 0 à 2. Je pense qu'il savait. Je pense que le comptable a dit on va fermer. On va faire un collier. Ok, t'auras tout ce que tu veux. Oh génial. Voilà, il est condamné. De toute façon, on s'en fout. Après, s'il en a profité pendant 2 ans, c'est déjà pas mal. C'est il, un avait petit bébé. Ans. Il avait 2 ah oui, ans. C'est un bébé. Alors, ils ont dû donner aux parents. Bah, ouais. C'est ça. Et c'est pas comme ça. Et alors, le seul cas vraiment recensé récemment, c'est Egyptair qui a ouvert un billet, qui a offert pardon un billet gratuit à vie sur les vols de sa compagnie à un bébé né dans un de ses avions en 2020. Et lui, pour le coup, il peut voyager quand il veut, à n'importe quel moment. Egyptair, voilà. Egyptair, ils sont cool. Egyptair, ils sont cool. Il faut noter si on veut. Ouais, avoir. Ouais, faut être enceinte. Non, mais franchement, vraiment, enceinte, arrête à ton terme. Quand tu commences. Dis pas pour moi, moi, c'est clairement. Mais ça arrivera. Je suis pas dans les... Un caca génère a été arrêté une vingtaine de fois dans des restaurants. Un coup de caca. J'ai compris, un caca génère. Oh, ouais. Un peu à peu près ce qu'il a dit. Un caca génère combien de volts? 75. 75, tu peux recharger un iPhone à 10% avec ta merde. J'ai eu peur, j'ai fait waouh. Non, un quinquagénaire a été arrêté une vingtaine de fois dans des restaurants espagnols. À votre avis, que faisait-il? Il proposait des verres de saké. Non, rien de sexuel. C'est, et d'ailleurs, il est même pas espagnol. Il est uruguayen, je crois. Je vais vérifier. Oh, oui, pire. Voilà, c'est ça. C'est et ça fait des années qu'il profite de cette technique. Ah, il mange gratos. Alors oui, mais comment? Attends, je l'ai entendu ça. Il dit qu'il est. Dis pas. Qu'il a son portefeuille dans la voiture. Non. À la fin. Il revient jamais. Il revient jamais. C'est un peu plus audacieux, un peu plus spectaculaire. Non, il fait des malaises. Il fait des malaises cardiaques. C'est ça. Oh, c'est exactement ça. Il a fait 20 malaises cardiaques. Arrivé au moment de payer l'addition, il se tient à la poitrine, se jette par terre et fait semblant de souffrir d'une crise cardiaque pour gagner la compassion du propriétaire de la boutique et ne pas payer l'addition. C'est le docteur Maboul ou quoi? Et là, il tombe. C'est génial. L'escroc au grand appétit a été présenté à un juge qui l'a condamné à une peine de prison pour avoir récidivé à de trop nombreuses reprises. Sa dernière interpellation remonte au 12 septembre 2023 à 10h15 après qu'il ait discuté une paella aux fruits de mer et deux whisky au restaurant El Buen Comer de la Calle Maror au cœur du centre historique avec une facture impayée de 34 euros. Donc il est peut-être un peu dans la merde. Non mais il est peut-être un peu dans la merde. Peut-être pas. Je vous dis pas, il est dans la merde. Et un petit peu. Les médias locaux décrivent un expert du grignotage. Au premier abord, c'était un surmulot. C'est un surmulot. L'expert du grignotage. Allez, surmulot, putain. Cet escroc ressemble à un touriste russe avec de l'argent. C'est vraiment, il se déguise et tout. Mais il s'agit en fait d'un citoyen lituanien, pardon, pas uruguayen. Okay. Qui ne parle même pas espagnol. Et il semble le comprendre. Ah ouais. Et il n'a pas d'adresse connue. Donc c'est pour ça que je dis que je pense qu'il est un peu dans la merde et qu'il. Il profite. Ou c'est un mafieux. Tout simplement. Non. Voilà, c'est nul. Giuseppe. Ça invite au resto depuis que ça a un peu de sous ou pas? Oh et oh. Non, mais c'est pas. Bah, t'as l'air, je voulais t'inviter. Pas Florent, apparemment. Moi, je déteste être invité au resto. Oh, allez, c'est bon. Mais parce que j'ai un peu de sous. C'est ta gueule. Comment, André? Vos gueules tous les deux là. Non, j'aime être invité et quand on veut m'inviter, je fais pas des simagrées. Oh non. J'accepte volontiers qu'on un geste d'amitié envers moi. T'assistes un peu? Non, jamais. Justement, j'ai arrêté de faire ça. Ça m'énerve en fait. Mais il y a un côté. De toute façon, gênant, on va dire oui de toute façon. Donc c'est vraiment des manières de dire oh non, mais non. Ça me gêne et tout. On va pas faire moitié-moitié, non, voilà. Mais j'en parlais avec. Tu m'invites, et la prochaine fois, ce sera moi. J'en parlais avec un pote dans nos. J'ai foutu une ambiance de merde. Non, justement, je rebondis dans nos métiers, comme on dit. Au début, souvent, tu fais des fois des rencontres avec des producteurs ou avec des managers ou des choses comme ça, et c'est des déjeuners. S'ils payent pas, je fais pas le projet. Non, mais voilà, je te dis tout de suite. Je vais y venir, c'est qu'au début, moi, je voulais payer, et plus j'avance, et là, maintenant, je ne prends même plus la peine de sortir mon portefeuille. Non. Je me laisse inviter, mais avec plaisir. Quand c'est quelqu'un qui dit on pourrait se voir, je voudrais te parler d'un projet. Oui, bah là j'ai c'est intérêt à ce qu'il paye. Non mais il y a des trucs qui sont super en revanche dans les restos. Il y en a certains là. On peut dire des noms de restaurants ou c'est relou? Oui, tu peux. La brasserie Le Rosy que je recommande vraiment, qui est à Bastille. Ils en ont ouvert un autre. Ah bon, à Bastille? Ouais, c'est délicieux. Le Rosy, c'est les coquillettes jambon truffe. Oh là là, tout ce que je peux pas bouffer. Et t'as un truc à t'as un QR code. Et t'as l'addition qui arrive sur ton téléphone et ça te met est-ce que vous voulez payer, est-ce que vous voulez partager, diviser en 4 et ça le fait direct sur le téléphone. Donc au moment de l'addition, tu peux prendre ton téléphone et le faire en screen. Mais et genre, c'est bon, ça a déjà tu été hurles payé. Là. Ça aurait complètement niqué le sketch de Muriel Robin. Vraiment, le sketch ne marche plus. Mais ce que je trouve ça bien, tu peux le faire sans passer par. Mais ça, c'est depuis le Covid, je crois. Depuis le Covid, même les menus, j'allais dans un resto où qui continue de ne pas donner de menu. Non, il y a plus de QR code. Moi, j'aimais bien feuilleter. Mais est-ce que c'est pas aussi pour employer moins de gens? De papier? Tu crois? Oh là là, je sais pas là le truc de. Tu nous entends Macron? Il y a beaucoup. Donc il y a pas de serveurs qui viennent pour te dire. Si parce qu'ils te servent la bouffe. Si non, ils sont beaucoup. Merci. Je me doute que c'est pas des. Attends, il est agressif. Il y a une heure où il est agressif. Il y a besoin de moins. C'est un gremlins. Il y a besoin de moins de gens. Il y a besoin de moins de gens. Il y a un robot dans un hôtel à Montréal comme ça où il t'amène des trucs. C'est un robot qui t'amène des trucs dans la chambre. Ah oui, j'ai eu ça, un bowling. Oui, mais moi j'ai. Non, au bowling il te ramène la boule, mais c'est pas du tout incroyable. C'est pas des robots. Ça, c'était le T-1000 quand vous voyez ça. Non, il y a un robot en Alsace, il y a un robot qui t'amène le truc. Les enfants, ils sont comme des oufs. Ils font, oh, regarde, c'est un robot. Et t'as des capteurs au plafond. Je rêve d'y aller. Alsace, ils ont plein de délires un peu chelous. Moi, c'est là-bas où j'en avais déjà parlé dans le podcast, mais c'est des souvenirs que j'avais enfant. Il y avait quand même la vallée des singes, qui est quand même un des trucs les plus surprenants que j'ai jamais fait. En fait, l'Alsace, c'est la terre pour moi, en fait, c'est ça? Il y a des singes, il y a des robots. Ouais, mais je pense que t'aimes pas trop parce que. Ah non, ça dépend si c'est captivité horrible. Ils sont en pleine nature, ils font ce qu'ils veulent. Mais bon, ils sont en Alsace déjà. Ils sont en Alsace et les visiteurs. Tu leur donnes du popcorn. C'est ça, tu leur donnes du popcorn. Non, ok, c'est pas. Je retire. Mais l'idée, c'est n'importe quoi quoi. C'est n'importe quoi. Mais les robots, je veux bien. Il y a Sigoland en Alsace que je vous recommande. Bien sûr. Sigoland. Tu connais pas Sigoland? Le monde des cigognes, c'est un parc d'attractions autour de la cigogne. Ah ouais, c'est génial. Mais ça me donne envie de me faire un petit road trip Nigoland. Non, c'est Sigoland. Sigoland, c'est mignon en plus. Sigoland Royal. Oh là là. J'étais sûr que jette-la-moi dans la gueule. J'étais sûr que t'allais sortir ça. Je te regardais, je l'attendais. Sigoland, allez à Sigoland. Fais gagner des places pour Sigoland. Ah, évidemment, il y a un truc d'Halloween. Toi, on s'en branle. C'est spooky. Oh là, c'est la spooky season. Tu vois, t'as le petit trait pédagogique. Moi, sous un plaid, là, avec un bon bouquin, et je me regarde un bon film d'horreur. Regarde, t'as les chevaux galopants. Tous pareils. Vous vous rendez compte que vous dites tous la même chose? Regarde, il y a le King Kong. Putain, mais le King Kong, il est partout, cette attraction. C'est vraiment l'attraction des petits parcs d'attractions. Et tu montes, il y a un espèce de petit train en cigogne, et puis ça t'explique la cigogne. Mais on est d'accord qu'en gros, c'est les attractions, elles ont rien à voir avec les cigognes. Non, si, il y en a des. C'est King Kong. Ben oui, d'accord. C'est King Kong, et juste, il y a une cigogne qui dit attention, c'est King Kong. Vraiment, ça n'a aucun rapport avec les cigognes. Mais qu'est-ce qu'il fout là, King Kong? Mais parce qu'elle négocie, les cigognes, elles négocient avec lui sur Empire State Building. King Kong descend, fais pas le con. Relâche cette blonde, tu pourras jamais la doigter, enfin. Bon, écoutez, il veut pas négocier, envoyer les avions. C'est dans une scène coupée, ça. Il y a des cigognes. Elle négocigogne. Oh non! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Ça a été coupé au montage. Et non, mais là, il y a des attractions liées aux cigognes un peu quand même. Non, pas tout le temps. Il y a des peu. Il y a des piscines. Il y a un problème. Non. Et c'est pas la peine d'envoyer des DM. Non, mais ça, regarde. C'est dans un nid. Est-ce qu'il y a un petit monorail? Et là, il y a des cadavres. Déjà, est-ce que tu peux rentrer dans une cigogne ou un truc quoi? Oui, non, mais là, c'est quoi? C'est une noix de coco le. Non, c'est le nid de la cigogne. C'est le nid de la cigogne. Non, mais... Et t'as des vraies cigognes qui sont là et tout. Non, c'est y a pas aucun mal. Effort. Y a non, mais... C'est vraiment. Non, mais. C'est juste brandé. Non, mais c'est pas. Quand je dis Sigoland, c'est que c'est géré par des cigognes. Okay. C'est pas du tout sur le thème de la cigogne. Ok, d'accord. Non, à la caisse, c'est un enfer. À la caisse, ils vont. Juste à mordre. Un QR code, bordel, qu'on en finisse. Non, mais au moins, c'est pas. Vous faites la mètre 17, vous pouvez pas la faire l'attraction. Et là est le QR code au restaurant. Au moins c'est pas de l'appropriation culturelle, ce qui est déjà bien. En fait un podcast à Sigoland. Ah non mais Sigoland, si vous nous écoutez, n'hésitez pas. Je retirerai tout ce que j'ai dit. Non, déjà allons au Futuroscope déjà faire un podcast. C'est vrai. Alors elle répondait au nom de Bella. Et c'est qui Bella? Bella est une chatte d'apparence banale, mais elle a une particularité. Je vous demande laquelle. Ah, c'est la chatte de Maître. Est-ce qu'elle a une tache? Elle n'a pas de tache. Bella. Est-ce qu'elle est très touffue? Elle n'est pas très touffue. Elle a deux têtes. Elle n'a pas de tête. C'est une chatte clonée? C'est pas une chatte clonée. Elle a deux queues? Elle n'a pas de queue. C'est la chatte de quelqu'un de connu? Pas du tout. Elle est pas grosse. Elle est pas grosse, la chatte est connue elle-même. Particularité physique? Ah! Non, pas physique. Elle a un compte Instagram. Elle a pas un compte Instagram. Elle a une particularité? Ouais. C'est la plus vieille du monde? C'est pas la plus vieille du monde, mais on est sur une histoire, une histoire de record du monde. Record du monde. C'est la plus grande. Elle a vu tous les films de Franck Dubosc. Non, elle a pas vu tous les films de Franck Dubosc. Est-ce qu'on est sur une histoire de taille? Elle parle? Elle ne. Non, c'est génial. Et du coup, elle gère le business plan de Sigoland. Harry Potter, je me permets. Non, Harry Potter. En fait, c'est le gardien du jeu. Mais il y a des chats, parfois, ils sont. Là... Et t'entends. Je crois qu'ils disent des trucs. Ah oui. Ouais. On a vu le même. Elle a eu le plus de portée. Non, ce n'est pas ça. Sachant que c'est le chat qui a sauté le plus loin. Ah non. Qui a fait tomber le plus de vases en regardant son maître droit dans les yeux. Non, rien. Qu'est-ce que tu as fait? Qui a tué le plus de souris. Plus grosse, la plus grosse pelote de déjection. C'est génial. Ah ouais. Oh, ça serait génial. Elle a dégueulé. Oh, regardez, c'est une pelote de laine. Il y a une chouette qui a fait. Waouh, pas mal. Putain, il m'est vraiment arrivé ça très récemment. Je changeais la couche. Vraiment, je suis dégoûté de ne pas l'avoir filmé parce que j'aurais fait un véritable buzz sur les réseaux sociaux. Tu veux dire que tu ne penses pas à filmer quand tu changes ta fille? Ouais. C'est ça. Je changeais la couche de ma fille, donc énormément de merde. Mon chat a vomi à mes pieds. Non mais c'était incroyable. C'est-à-dire qu'il y a eu un mélange magnifique. Wonderful life. À Pixar, littéralement à Pixar. C'est vraiment la dégoûte. C'est pour ça que vous m'avez remplacé. Elle avait une clope. Je t'avais dit que ton chat allait changer quand ça. Non, il a pas changé mon chat. Si, pas si, du il a changé. Pas oh, du ouais, tout. T'as fait une petite tête de. Moi. C'est déjà le souffle du nez, c'est déjà. Ma vie pue. Si ton chat, ton chat est malheureusement trop occupé ton à chat rire. Il a changé. Mais il a pas changé. Si, mon il vapote maintenant. Il dit plus bonjour déjà quand on arrive. Mais il vient même plus. Il vient Bella même plus. Fume, Bella ouais. fume. Non, Bella ne fume pas. Oui, alors. Oh, elle a un casse les couilles, j'aime pas les chats. Ça me fait oh, chier. Oh, ça va, voilà. les couilles sur les chats, ça me fait chier. J'aime bien les chiens. Bella. Ah, j'adore les chiens. Ouais. Bella chi. Non, Bella, Bella chi pas. Bah, si, j'espère rien pour elle. Bella chi, Bella chi, Bella chi, chi, chi. Bella merde, chi, la merde, chi, la merde. C'est pas ça l'air. C'est même pas l'air. Vous avez fait sur l'air de trois petits chats en plus. Chapeau de paille. Chapeau de paille. Chapeau de paille. On vient, on fait ça. Ah, parce qu'elle a donné naissance à trois petits chats, chapeau de paille. Pas du tout. Non, alors sachez qu'à la base. Il est vénère surtout, c'est génial, putain. Non, putain, elle... mais c'est pas la bonne chanson. Elle... c'est trois petits chats, ça. Elle a le record, parce qu'elle est vivante. Mais elle a toujours pas le record de l'histoire, parce que de l'histoire, malheureusement, les deux chats qui avaient le record sont décédés. Ah, bah c'est celle qui est la, c'est la plus vieille chatte du monde. Non, c'est pas non, la plus vieille. Non, non, non, non. Je l'ai dit déjà. Ah bon, tu l'as si dit t'écoutais, bah oui. C'est bah pas non, la plus grande. Je peux pas tout retenir. Non, attends, entre la merde, le vomi, le chorizo qu'on encule. Non, attends, attends, attends. La plus poilue. Pas la plus poilue. Attends, juste tu dis, elle n'a pas le record de l'histoire parce que les chats qui avaient le record qui ont toujours le record, mais ils sont morts. Ah oui, non, elle peut pas. C'est quelque chose le plus au monde. Donc elle peut encore avoir le record. Elle a le record. Parce qu'elle est vivante. C'est la sur plus la grosse, bouffe. C'est la plus grosse. C'est sur la bouffe. Non, c'est-à-dire que non, tu sais, quand un recordman décède, le record est un peu remis en jeu avec la personne qui arrive. Pas du tout. Vois. Ah bah si, celui, ça, est-ce ah, que si, c'est la dans bouffe les, dans les règles du Guinness Book, je te dis ça. Chérie, est-ce que c'est la bouffe? Genre c'est l'homme le plus grand du monde, c'est plus Robert Wadlow, c'est le mec. Bah il y a un autre homme le plus grand du monde de son vivant. Oui, mais vivant, d'accord. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est un record, c'est. Don't shoot the messenger. Non, c'est pas moi qui fais les règles. T'as mal formulé. Pourquoi tu veux tirer sur Facebook? Je comprends pas. Elle tricote. Elle ne tricote pas. Toi, tu me refais un pfff après une blague. Je te jure. Oh, ils étaient ouf. Je t'arrache un téton. Ouais. Non, mais c'est vraiment très lié au chat. C'est pas personne d'autre à part. T'es versé sur la litière. Non. Oh, j'aime pas les chats. Pas dans des jeux. Des jeux de chat. Pas des jeux de chat. Des jeux de chat. Comment ça? Des jeux de chat. C'est un chat. C'est un chat qui a joué un chat. C'est un chat qui a joué un chat. Il a gagné. Ah, normal, je suis le chat. Non, putain, c'est pas con. Putain, c'est pas con. Oh, Raymond DeVos. Oh merde. Il a joué un chat. Alors, il a fait un chat. Faut dire, je transpire, sinon je comprends pas. C'est Raymond DeVos. Oh, je transpire. Y a pas de pelote de laine ou de. Donc c'est très lié au chat, tu dis. Putain. Y a rien d'autre au monde à part les chats qui font ça. Les griffes, les griffes, la toilette, pas les toilettes. Pas les toilettes. C'est pas plus la lécher le trou de balle. La pelote de déjection. Pas se lécher le trou de balle. Ça miaule. Ça, les moustaches, les plus grandes moustaches. Non, pas les plus grandes moustaches. Oh putain, j'étais pas loin là. Ouais, pas mal. La plus longue queue. Non, mais c'est pas un truc de longueur, c'est pas un truc de taille. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a fait un certain nombre de fois? Elle le fait tout le temps. Ah, elle le fait tout le temps. Ouais. Lécher quelque chose. Ah, elle dit non. Pas miaou, elle dit miou miou. Et du coup, comment ça, elle et du coup l'actrice s'est plainte. Tu dis, elle est le... miou miou de la monnaie de la pièce. Elle est dyslexique. Non, mais tu dis, elle le fait tout le temps. Oui. Si elle a un record, c'est que c'est bien un truc qu'elle a fait un certain nombre de fois, plus elle, que les autres. C'est-à-dire qu'à un moment, elle a été évaluée pour tester, pour vérifier, mais c'est un truc qu'elle fait elle tout a le temps. Le... Putain. Je vais vous dire la réponse, ça va ouvrir, vous rendre courage. Elle ouvre les portes. Non, comme un vélociraptor. Bah oui, oui. Non, non, non. On va trouver, attends. Je sens que vous êtes pas vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes loin quand même. Un floodcast sans le on va trouver de Méniel, bah c'est oui. Pas un floodcast. On l'a eu, c'est bon. Non, mais. Elle a fait une quantité de fois incroyable. Bah elle le fait tout le temps, mais elle fait tout le temps. Enfin, elle le fait pas, elle le fait quand on fait une action particulière, bien sûr. Elle se frotte. Alors, elle griffe. Non, pas griffée. Elle se frotte. Là, c'est quand elle est énervée. Ronronne, celle qui ronronne le plus. Le plus fort. Ronronnement le plus fort. Le plus fort du monde. Bravo. C'est une bonne réponse. Le Guinness Book a homologué cette prouesse le 17 octobre dernier. Sa famille doit supporter ce bruit au quotidien, même lorsqu'elle regarde la télévision. Elle aime être belle. Alors, tu rigoles. 54 décibels. Je sais même pas à quoi ce. C'est l'équivalent d'une machine à laver. Je peux pas c'est vous vrai dire. Ouais, bah, c'est l'équivalent. Non, mais c'est... Elle hurle en fait. Arrêtez de la caresser. C'est un lynx. Ils ont un lynx chez eux depuis 10 ans. Il lui gratte le qui fait. Oh, elle ronde là. Non, non, non. Elle agile de la tourette. En fait, elle souffre. Qui a caressé le chat là? Non mais elle souffre en fait. Elle ronronne pas du tout. Elle a vraiment une inflammation de la peau et à chaque fois elle hurle. Qui a ça chez soi? Qui veut vivre avec ça? Non mais ça doit être bizarre parce qu'un ronronnement, c'est déjà c'est moi drôle. Ça me met un peu Ah t'aimes pas, ça te relaxe pas toi? Ah, ça, je suis pas sûr, moi. Ah, moi, bah, j'aime bien. Ça me fait un peu penser au. Alors, je sais pas si c'est une légende urbaine ou quoi. Le brown noise, là. Ah, qui donne la chiasse. Ouais, la vibration utilisée pour. Dans les manifs pour faire chier les gens dans l'urbaine. Dans les manifs. Mais je savais pas que ça existait. Ça, c'est vos théories d'extrême gauche. Non, non, non, mais soi-disant, il y avait pour plus efficace que les jets d'eau et tout. Voilà, c'est une fréquence qui est ultra basse et genre tu. Ça te donne envie de chier. Ça te fout la chiasse, quoi. Mais c'est génial. Ça te donne envie d'y hèche. Ils appellent ça le brown noise. Et moi, ça fait un peu cet effet-là, les ronronnements. Genre quand c'est dans un micro, tu vois, pas quand c'est un chat. Voilà, un chat qui ronronne, ça va. Mais si j'entends un enregistrement de chat qui ronronne, c'est du didgeridoo. Un côté un peu, ça me met pas trop, ça pas bien. Et alors, à 54 décibels, ça me mettrait mal, je pense. Sachant que le record donc, des deux chats morts, donc, que je vous disais, Smokey et Merlin, c'était encore plus, c'était vu que c'était 67,8 décibels. Oh, sachant que 70 décibels, c'est votre téléphone. Une sonnerie de téléphone, c'est ça qui fait. Attends, une sonnerie de téléphone, c'est plus fort qu'un lave. Ouais, bien sûr, si tu le mets là, bah si, de ton oreille. C'est un peu plus sourd, une machine à laver. Machine à laver, c'est sourd. Mais, ouais, mais un ronronnement aussi, c'est sourd. Donc, Non, ça peut être très fort. Mais non. Non, mais attendez. Bon, ouais, putain, le mec, il contredit fort, tout. Fort, fort. Les décibels, c'est décibels. Pardon, c'est quoi cette histoire? Tu veux acheter les décibels? Bon, allez. Combien? Je suis tapis, je suis un chat. Alors, je suis tombé. Ouais, du coup, je suis persan. Oh! Tapis persan et chat persan. Ah ouais? Bah oui, mais quand même. Donc, c'est des blagues et c'est pyramide en même temps, c'est incroyable. En deux. Oh, c'est fou. Alors, je suis tombé sur une vidéo. Vous savez que dans le podcast, on a beaucoup parlé des singes agressifs. Mais alors, il y a une vidéo qui a beaucoup tourné cette semaine où un prof de jujitsu s'est battu contre un animal. Ah, je sais! Bah oui, alors bien sûr. C'est pas une cigogne. Hein. Bah, non, tu l'as vu. Je pense que je. Ah ouais, j'ai pas vu. Moi. Je pense que tout le monde l'a vu. Et je pense que c'est aussi un animal dont on a déjà parlé dans le podcast. Oui. Alors. Il s'agit de ces enflures de kangourous. Ah, ouais. Alors c'est un kangourou. Et alors qu'est-ce qu'ils ont avec les chiens? Ils sont vénères, les kangourous. Hein, j'ai tout, Adrien. Qu'est-ce qu'ils ont avec les chiens? J'ai tout. Parce tout que là, la vidéo, le début de la vidéo, on dirait vraiment. Est-ce que tu peux raconter la vidéo? Alors, ça commence la vidéo. Le mec, il est devant un étang, un lac. Et il y a un chien qui nage vers lui, mais il n'est pas tout seul ce chien, il y a un kangourou qui le ceinture au niveau du cou. Mais il le tient vraiment mais vénère. Il le tient, mais il l'empêche pour pas le de nager. Sauver. Donc on dirait vraiment le grand qu'emmerde un petit à la base de loisirs, ouais. Quoi. Ouais. Il le tient prend... genre, vas-y, nage, je et t'empêche lui, pas. Mais, lui... mais quand même, tu m'empêches. Ah ouais. Non, mais vas-y, regarde, t'avances. Et il lui prend la patte, il lui dit arrête de taper comme ça. Ouais. Arrête de taper. Non, mais on dirait vraiment ça. Il le tient, le chien il nage, il a pas l'air paniqué le chien, c'est ça qui est bizarre. Mais genre, il nage tout doucement. Et t'as le kangourou qui le trempe. Il fait une prise d'étranglement, mais en le laissant, il l'immobilise pas. Ouais, c'est ça qui me fascine. En fait, on dirait vraiment... vraiment juste le mettre dans des mauvaises dispositions. Ouais. Est-ce qu'ils arrivent au bord après? Et du coup, au bout d'un moment, le kangourou, le mec, il fait eh, vas-y, lâche mon chien. Le kangourou lâche le chien. Ouais. Le chien s'en va, il va faire sa life. Et après, le mec, il envoie de l'eau sur le kangourou. C'est ça, hein? Ouais, moi je l'ai vu. Il non, y en a une autre qui est sortie là. Et là, le kangourou. Non, après, c'est la le kangourou, même, il tape et dans le téléphone. Il tombe dans l'eau. Le mec, avant, il lui envoie de l'eau. Il lui envoie de l'eau. Il fait. Ah, moi, j'ai vu la version courte, moi. Ah ouais, mais le kangourou, vraiment, il arrive avec son téléphone et il dit let him go. Et le kangourou, vraiment, il se vénère. Il fait qu'est-ce qu'il y a là? C'est très énervé. Il tape dans le téléphone, mais surtout, il est tanké, quoi. Mais il y a un côté très humain des kangourous. Ah ouais, mais humain, vénère. Non, mais ils sont prêts à un nombre de patates, les kangourous, dans la gueule, je te jure, c'est impressionnant. En Australie, ils mettent des patates tous les jours. Mais non, mais ils sont musclés parce que. Ils ont des torses de. Ils passent avec leur mec. Ah ouais, non, mais il y en a qui sont particulièrement stock. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est terrifiant. Mais pourquoi ils prennent les chiens? Alors, je vais vous raconter. J'en ai marre. Parce que j'aime tous les animaux, mais là, bon. Tout vous raconter. Donc effectivement, Adrien a très bien raconté l'histoire. Alors le gars a un peu raconté derrière. Apparemment, il a dit je vais te cogner la tête. C'est ce qu'il a dit en australien au kangourou. Oui, mais ça c'est la version du kangourou. Non, parce que moi quand tu dis ouais. Il le laisse, pour moi c'est plutôt un truc où il dit à tout moment je le bute ton chien. Enfin, on dirait vraiment dans les films d'action quand ils prennent en deux. Moi j'avais l'impression qu'il allait soit lui briser la nuque, soit qu'il voulait l'enculer. Mais non. Vraiment, est-ce qu'il le tient? Mais je te jure, il y a une troisième voix, mais je vais te la donner. Okay. En gros. Pourquoi ils font ça? C'est-à-dire qu'ils les chiens, ils ressemblent beaucoup aux dingos. Ah. Et les dingos, c'est les seuls animaux qui osent s'attaquer aux kangourous. Les kangourous n'ont pas d'ennemis, n'ont pas de prédateurs naturels, puisqu'ils sont très costauds. Oui, oui. Et les dingos, en fait, c'est des espèces de chiens sauvages, ah oui, en fait. Voilà, c'est du ça. Coup, du coup, c'est ça. Comme si t'es en embrouille. Les dingos. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est comme si t'es en embrouille avec quelqu'un et tu vas emmerder son cousin, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Qui est pas du tout musclé et tout. T'es rien, ton cousin. Ça t'apprend là. J'ai rien fait, moi. J'ai rien fait. Je m'appelle Pépette. En plus, j'étais un bon chien, j'ai ramené la balle. Pourquoi tu fais ça? Alors qu'il l'avait caché derrière son dos. Mais le kangourou est je donne la patte en équipe. Écoute, c'est trop bête. Non mais et en gros pourquoi dans l'eau? Parce que le kangourou c'est comme ça qu'il se débarrasse de ses prédateurs. C'est-à-dire qu'il il fuit. Le dingo le suit, après il chope le dingo et il le noie en fait, tout simplement, il le fout sous l'eau. Et c'est pour ça qu'il l'a mis sous l'eau, parce que le prof de jujitsu s'est fait, il a dit après, le kangourou m'a mis la tête sous l'eau. Il noie en fait. Quel enfer. Ah mais c'est fou. Parce qu'ils ont pas de, tu vois, ils peuvent pas. Mais là le chien il l'a pas mis sous l'eau, c'est ça. Peut-être bah, il a, dit, peut-être qu'il a... il l'a chopé, il a fait merde, c'est pas un dingo. Si je le lâche. Il y a son maître qui me regarde, ça va chier là. Oh je suis dans le beau drap. Je vais faire croire que je lui ramène. Hey, je vous ramène votre chien. Il lui a caressé la tête. T'as cru que c'était un dingo? Non. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Et le kangourou il voulait être cool. Il a vu qu'il filmait, il fait putain, par contre, filme pas. Oh, je vais te poigner. Tu mets pas ça sur face de bouc. Comment les gens apprennent que je suis planté sur ta gueule? Oh, je vais prendre la honte. Oh la honte. Il était vexé en fait. Il était vexé le kangourou. Bah, vexé comme un kangourou, c'est comme ça qu'on dit. C'est peut-être ça qu'a dit le gars. Il a pas dit je vais t'exploser la tête. Il a fait t'as cru que c'était un dingo. Mais pourquoi il donne pas des patates au chien? Ah ben bah ça existe aussi ça. On a... Mais en fait il, bah, il les petites mains. Ouais mais il a des petites mains hautes. Donc peut-être il peut pas se baisser. Mais ça c'est les dessins animés d'où ouais, ouais. Tu comprends. Il avait des gants de boxe le kangourou. Tu comprends pas. Putain ça fait des années que je regarde sa cartoon en pensant que c'est BFM. Oh j'ai rien compris. Je confonds Philippe Dana et Pascal Pro. Il aura dû se cacher dans sa poche là, le mec. Je comprends pas pourquoi il a pas fait ça. C'est bizarre qu'il ait pas dessiné un trou au sol pour le faire tomber dedans. Je comprends pas. Il s'est pas caché dans sa poche. Non mais en vrai les kangourous leur façon de se battre, c'est que c'est avec leurs pattes arrière, ouais. Ils se mettent sur la queue, ils te griffent. Ils donnent des coups de queue, j'ai vu aussi apparemment. Ouais. Ils ont des griffes de bâtard sur la patte arrière et ils te lacèrent le ventre. Et alors, est-ce que vous savez? Alors, pareil, le ventre, ils n'attaquent que le ventre. Non, mais si t'effaces, comme ça, il va te faire. Oh, bah, il est un petit peu mignon ce kangourou, quoi. C'était un bébé que j'ai fait pour pas vous effrayer. Mais tu sais que. Oh, non. Alors, est-ce que vous. C'est pareil, c'est une légende urbaine, je pense qu'Adrien va dire, mais c'est ridicule, mais est-ce que vous savez. Pourquoi on appelle ça un kangourou? Oh non, quoi encore? Tu la connais? Mais non, mais. Non, mais ça va l'énerver! Alors, c'est un mec, il avait un kangourou, il était roux, il a renversé un animal! Oh, je transpire! Non, mais les kangourous n'existaient pas à l'époque! Eh non! C'est pas du tout en lien! Non, la kangourou est en hommage au kangourou, bien sûr! Est-ce que... Pourquoi ça s'appelle la kangourou? Tiens, je vais googliser tout de suite pendant que vous cherchez! Un fan de kangourou! Alors, zéro réponse! Pourquoi ça s'appelle un kangourou? C'est le. Non, est-ce que c'est une déformation d'un mot, genre? Alors, non, pas du tout! Parce que des fois c'est genre ah c'était est-ce que un koala il voulait est-ce dire est-ce que c'est par rapport à un bruit non. Un son non le pas nom tout. D'une personne non nom d'une ville d'un lieu pas du tout c'est pas la contraction de deux mots non c'est ouais c'est pas ouais, l'endroit où on a c'est pas un endroit où on a découvert les kangourous alors c'est un peu lié à ça je vais vous donner la réponse hein, parce que est-ce c'est que impossible c'est genre, de trouver ah, quand il saute ça fait king ça fait Boeing. Hein, c'est est-ce que c'est Boeing pour vous? Une des meilleures blagues de l'histoire du podcast. Non, c'est qu'apparemment, là, en Australie, il y avait des tribus aborigènes, disons, à l'époque. Ah, là, Adrien commence déjà à grommeler. Là. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Yes, ah, si, ça t'énerve. Et quand on leur a demandé, mais quel est cet animal? La personne a répondu, kangourou, qui veut dire, je ne comprends pas ce que vous me dites. Bon, allez. Et l'européen colonisateur a dit, on dit kangourou. Voilà. Alors, certains ont débunké non, cette histoire. Je suis sur Montel. Hein. Non, mais... Oh, arrête, Jordan. Non, mais, Montel, Jordan. Non, mais il y aurait forcément. Si tu suis ça, il y aurait forcément un oiseau qui s'appellerait I don't know. Oui, bah, oui. C'est genre, quand il lui a demandé le nom d'un autre animal et qu'il a dit kangourou, il s'est pas dit. Ah. Peut-être que. Mais c'est même pas... n'importe c'est quoi, pas un bon animal. Ouais, c'est vrai que. Donc, c'était. Déjà, ça veut dire que c'est la première chose. Qu'il lui a dit. Qu'il lui a dit de toute sa life. C'est quoi ça? Il lui a pas dit bonjour, rien. Il a dit, c'est quoi ça? Je ne comprends pas. Vous allez me prendre mes terres là, parce que vous allez vous installer définitivement là. C'est quoi ces bulldozers? Non, mais le gars, le mec n'a même pas dit bonjour, c'est rien. C'est évidemment sûrement faux. Voilà faux. Mais c'est, je voulais vous le partager. Alors, c'était les 100 ans des studios Disney. Oh, tu m'étonnes. Eh ouais. Disney Plus, très belle plateforme ça. Bah, rappelons que t'es une princesse Disney. J'espère. Et un sondage est tombé sur le top 5 des Disney préférés des Français. D'ailleurs, il n'y a pas Antigang 2, mais ça peut encore ça arriver. Bien, je suis la relève. Je suis incollable. À votre avis, quel est le top 5 des Disney préférés des Français? Alors Cendrillon, c'est le numéro 1. Cendrillon est numéro 2. C'est étonnant. Il y en a d'autres, j'ai été Blanche très étonné. Neige. Il y a Cendrillon. Blanche-Neige est 4ème. J'étais la Belle surpris. Et la Bête. Le livre de la Jungle. Il est 3ème. Voilà. Il y en a encore un en égalité avec le troisième. Mulan. Non. Frozen. Pas les Aristochats, pas la Reine des Neiges. Mais c'est vrai que c'est des Disney un peu vieux quand même, parce que pour moi c'était la Reine des Neiges. Pour moi l'âge je vois toutes glace. Les petites filles. Alors l'âge de glace c'est pas Disney. Ça, c'est pas Disney. La Belle et le Chat, on l'a dit ? Non. Non, mais c'est attends, pas attends. Ah, donc c'est cinquième égalité avec le sixième. Le troisième, c'est le Livre de la Jungle en égalité les avec un autre film. Pas les Aristochats. Je t'ai dit, les Sandales Dalmatiens. Il n'y a pas les Sandales Dalmatiens. J'ai vu le classement. Tarzan, Phil Collins. Pas Tarzan. Phil Collins. Phil Collins, c'est en français, avec un point d'accent. Celui-là avec. Avec Fantasia. Avec l'archer là. Avec l'archer. Ah, Robin des Bois. Avec Gérard Robin l'archer. Des Bois. Robin des Bois. On l'a dit Robin des Bois. Non, non, non, Robin des Bois il est vraiment pas. Et Fantasia. Fantasia non. Mais Robin des Bois, super film. Ah oui, super. Pas Fantasia. Non, mais il est pas super connu. Mais et Fantasia pareil. Petit Jean, moi c'est promet. Aladdin. Pas Aladdin. Ah. Mais Aladdin c'est une bonne idée. La Belle et la Bête, on l'a dit. Ouais, il est cinquième. C'est dans la même histoire à peu près qu'Aladdin. Il y a un délire un peu comme ça. Non, il y a pas de princesse, il y a pas de prince, pas Pocahontas. Mulan, non. Pas Mulan. Rapunzel. Ah, c'est pas bizarre. Attends, c'est pas réponse. C'est des trucs assez vieux. Alors là, c'est un très vieux. Ah, il en reste un. Ah non, c'est Bambi, c'est Bambi. Mais bien sûr. Bambi, oui. Mais Bambi, il est badant, Bambi. Mais moi, c'est ça, je suis surpris. C'est. Bah oui, mais alors, on a le droit d'explorer des sentiments autres que le rigolard. Non mais être un rigolard. Regarde Bambi avec un enfant et dis-lui ouais la mère est morte. Oui bah alors elle sera préparée. Mais surtout qu'en fait la mère meurt et la scène d'après c'est Pompon qui fait des danses et qui rigole quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est très sec. Ça s'appelle la vie. Ça s'appelle la vie. Pas aussi sec la vie. Il y a un petit deuil quand même. Pas du tout. Il y a un petit deuil après la mort de la mère. On rit aux enterrements. On rit. Attendez, vous êtes quel entrepreneur français. J'ai l'impression que. Oh là, je suis plus Francis Huster. Oui, on fait Francis Huster. Pourquoi le pape ? On va Kiev. Alors quand j'imite Francis Huster, ça Attends. Me donne le ok, donc j'arrête. Pour de vrai. Mais c'est le cas de tout le monde, hein. Non, je peux pas. Je vais avoir le ok pour de vrai. Ah, ouais. Mais unpopular opinion, le roi lion pas si bien. Oh, pavé dans la mare. Oh là là. C'est-à-dire qu'il y a eu, alors quel est ton Disney préféré? Mais je sais pas, je connais pas. Arrête, du tout bien. Le roi lion, t'aimes pas le roi lion. Pourquoi t'aimes pas le roi lion? Parce que moi je trouve que c'est genre, il y a une histoire. Donc le truc, un truc de pouvoir, de trahison, de truc. Et après il fait, bon bah je m'en vais de cette histoire, je vais chanter avec mes potes dans la jungle. Et après je reviens, puis je suis le roi, puis c'est mais fini. C'est l'adolescence mon pauvre mais ami. Non mais tous les enjeux ils sont à un endroit. Il va ailleurs. Il chante dans le truc, ça après va. Il revient, il fait je suis le roi maintenant. Donc ça y est, t'as oui, écrit, okay, t'as écrit Groom saison 2 et tu me donnes des leçons. Vous l'avez vu quand vous étiez petit? Bah bien sûr. Eh oui, bah voilà, bah moi je l'ai vu adulte. Bah, c'est de la merde. C'est de la merde. Non mais parce que pour moi c'était ça, c'est quand tu es enfant, là tu as une responsabilité, il fuit, il fait l'adolescence, il voit ses potes. Mais Simon non, mais Pumba. T'oublies en plus que c'est son oncle qui lui dit c'est de ta faute s'il est mort. C'est bah c'est il aurait pu rester. Bah non, il va pas rester, va dire. En infiltré, se déguiser en pélican et faire. Non, je suis pas un lion, je suis un pélican. En infiltré, il va faire des trucs. À un moment, il y a une hyène qui lui dit mais attends, ça serait pas Simba et tout. Bah, il la dénuque et tout. Il aurait pu se passer des trucs. Non, il va chanter Kuna Matata pendant 10 ans. Enfin. Robin des Bois, je kiffais quand j'étais petit. Et je crois qu'il est un peu chiant en vrai. Tu vois, il est de gauche. Attends, tu rigoles. Il est génial, Robin des Bois. Il est génial. Le méchant est super. Je me souviens du méchant qui suce son pouce. Avec le serpent. Il est trop rigolo. Non, ça c'était bien. Oh non, il est génial, Robin. Qu'est-ce qu'il y a comme Disney, putain? Ah, mais si, Taram et le chaudron magique, c'est Disney. Ah bah, Taram et le chaudron magique, ça devait bien faire flipper, gars. Ouais, c'est un Disney flippant, hein. Et même, je me souviens que j'avais pleuré et ri en même temps. Parce qu'à la fin, il y a une espèce de petite mais c'est créature. C'est toi, c'est incroyable. C'est toi. Non, mais il y avait une petite créature, là, une espèce de oui. Je sais pas quoi, là. Et elle vole des pommes au début. Voilà. Ça, et elle meurt à un moment. Et du coup, moi, j'avais 5 ans, un truc comme ça. Donc je pleure. Et en fait, elle est pas morte, elle revient, elle fait salut, ça va. Et donc là, je ris et j'avais encore les larmes. Putain mais l'émotion de fou quand t'es gosse. Belle histoire. Ouais, des putains de T'as vu quoi quand t'étais petit, toi? C'était quoi le dessin animé que tu regardais en Le dessin animé que j'ai le plus regardé, je crois que c'est Aladdin. Ah ouais. Ah, j'ai adoré Aladdin. T'as quel âge, toi? 38. Ah, un peu. Non, moi je crois que c'est Merlin et Robin des Bois. Ah, Merlin, c'est bien. Ah ouais, c'est drôle, Merlin. On va à Saint-Tropez. Mais alors moi je confonds. Non, il va à Saint-Tropez. Je suis à Saint-Tropez. Je reviens. Qu'est-ce qu'il y a? Non, et après il y en a des super. Ouais, c'est tapis un peu. Mais non, mais dans les derniers qui ont été faits, il y en a des incroyables. Vice versa. Bah, toi, t'as deux enfants, Baptiste. Donc ah oui, j'en ai deux. Non, mais moi, je les ai regardés en boucle avec les enfants. Mais ma fille, vraiment, j'en parle dans le spectacle. Blanche-Neige, elle a vraiment regardé en boucle. Et à la fin, j'en pouvais plus. Mais ça, c'est incroyable quand même. Parce que Blanche-Neige, c'est un vieux film. Ouais, mais enfin, moi, non, mais elle adorait les nains. Et puis, je sais pas, il y avait géniaux. Les oiseaux qui chantaient. Et puis, t'as les phases où ça fait très peur. Et où derrière, parce que, mais fuyez, elle veut vous tuer. Elle part et les arbres lui font peur. Et les animaux arrivent. Oh, vous êtes là. Oh, cuit. Oh, je suis un moineau. Bruno, viens, je vais te faire visiter une maison. Et puis elle reste dans la maison. Et les nains lui font à manger. Et donc il y a un truc un peu cool. Cendrillon aussi. Bon, ça nous a tous baisés. Mais Cendrillon, c'était. Ah ouais. Ça nous a tous baisés. Bah, Cendrillon, j'ai cru après ça. C'est une bonne critique. Il m'a baisé. Il m'a baisé l'émotion. J'adorais Gus, c'est la grosse souris. La souris au baiser. Et qui était là. Petit, je te nais. Non mais Cendrillon, il était méchant, elle faisait peur. Mais c'est vrai que quand ça incarne des bons méchants et les Disney sont très forts. Le Roi Lion, il est incroyable. Scar, il est trop fort. Pas ouf. Mais Roger Rabbit est considéré comme un film Disney. Bah c'est Disney, c'est Disney. Bah, Roger Rabbit, pas mal. Eddie Murphy a refusé le rôle. Bah oui. De l'enquêteur. Ouais. C'est son plus grand regret dans sa carrière. Ah ouais. Mais moi je trouve qu'il a bien fait. Parce que je trouve que ce qui est génial dans le Roger Rabbit, c'est qu'il n'y a que des blancs. Merci Flaubert. C'était le Floodcast. Merci. Non mais parce qu'Eddie Murphy, il a un jeu très cartoon. Et ce qui est super c'est le dans Roger Rabbit, c'est le décalage. C'est que Bob c'est un petit gros tu vois, c'est vraiment le roi des années 50. C'est Super Mario, je dis n'importe quoi. Oui, c'est ça, c'est Bob Hopkins. Et du coup, il y a un truc. Roger Rabbit, c'est vraiment bien. Puis avec Zemeckis, c'est la musique de Retour vers le futur. Bien sûr. Avec le méchant. Jessica Rabbit. Oh là là, Jessica Rabbit. Oh là là, putain. Qu'est-ce qu'elle devient, cette actrice? C'est mes répliques préférées dans Pitch. Qu'est-ce qu'elle devient, cette actrice, putain? C'était génial. Est-ce que vous regardiez beaucoup la télé étant enfant? Est-ce que vous aviez des parents qui vous laissaient regarder beaucoup? Moi, j'avais pas la télé, chérie. Ah ouais? Non, enfin, pas tout de suite, quoi. Je l'avais vendu pour m'acheter un coupon. Non, mais je te dis, on n'avait pas d'oseille. Donc, du coup, au début, on avait genre, je me souviens, un poste de radio qui faisait télé aussi. Mais genre, la télé est grande comme ça. Ah, t'avais un petit écran. Mais oui, genre des boombox avec un petit écran là. Je rêve d'avoir ça maintenant. Ouais. Ça coûte une fortune maintenant sur eBay. Mais ma grand-mère en avait un qui ne marchait pas. Bah, mais ça marchait pareil, vraiment apparemment. Ah oui, ça marchait vraiment, chérie. Mais t'avais la chaîne, mais t'avais la télé, elle était mais comme la taille ça, la taille d'un. La taille d'un. Ça, c'est pour la cuisine. C'est pour la cuisine, normalement. C'est, tu te mets ça sur le comptoir de la cuisine et puis en coupant les légumes. Et bien, nous, on était à 4. C'était la salle ciné. Et bien, nous, c'était notre Doudou, ciné. T'avais pas de télé. Non, alors après, j'en ai une, mais c'était genre waouh. Et quand. À quel âge t'as eu la télé? Je sais pas, j'ai dû l'avoir vers 8 ans ou un truc comme ça. Mais quand t'allais chez des copines et tu viens, c'est quoi ça? Mais j'avais pas de chambre, donc j'allais tout le temps chez les autres. Non, mais attends, c'est pas Mowgli non plus. J'essaie de recréer Mowgli. T'as pas des mains comme ça. C'est comme ça qu'elle a tué un autre enfant avec un os. Qu'est-ce qu'elle a fait? 8 ans, t'as eu la téloge? Un truc comme ça, ouais. Putain, mais t'as et quand c'est arrivé, ça a vraiment changé ta life ou, non, pas fou. J'étais pas. T'étais pas intéressé, en fait. C'est comme voir le Roi Lion adulte, quoi. J'étais plus mangé musique, moi. Mais après, je me suis mangé tous les trucs. Mais j'aimais bien regarder, mais depuis toute petite, les films d'horreur, j'ai toujours aimé ça. Ah ouais? Et j'attendais, vu que j'étais insomniaque, que mes parents s'endorment dans le salon, là. Ouais. Et je mettais des films d'horreur, genre ça, j'ai dû le voir très très jeune. La version jeune, téléfilm là. Ça t'a bien aidé pour les insomnies. Non, non, c'est la vraie version, chérie, ils avaient mis non, ça. Non, mais je me souviens, moi je l'avais enregistré. Qui durait 3 heures. C'était pas sa cartoon, t'es sûr. J'avais enregistré sur M6. Avec Tim Curry, bien sûr. Avec la salle, dans les douches de la piscine là. Horrible. Tim Curry, c'est du poulet. Non, et quand il est dans l'album photo là. Quand il est dans la photo et qu'il court vers eux là. Qu'est-ce qu'il est flippant. Le ça, celui-là, il est vraiment flippant. Et moi, j'ai toujours pas la télé. En fait. Ah ouais, t'as pas récupéré? Ça fait 15 ans que j'ai pas la télé. Je vais te régler ça, je vais te faire une story. Personne regarde la télé. On va demander à Darty. Non, mais pour mater des petits films. Bah, elle portable. A un ordi. Ouais. Oui, voilà. Non, mais la télé, quand t'as une famille, c'est primordial pour les soirées télé. Non, mais les soirées télé devant la. Mais non, mais tu dis pas à tes enfants et ta meuf, on se met devant l'iPad. Faut que t'aies une télé, t'as le moment où tu rassembles, c'est trop bien. Tu mets des bons dessins animés. Mais pas de gosse. Mais j'ai pas d'enfants, chérie. T'en sais rien. tu rentres pas dans les invités. Même moi, j'en sais rien. Et toi, Mathilde, quand t'étais petit, tes parents te foutaient beaucoup dans la télé? Non, mais je regardais beaucoup la télé parce que ma mère travaillait dans le salon de coiffure. Donc j'étais. Il n'y avait pas de babysitter, il n'y avait pas de truc, donc ils disaient bah regarde la télé, et c'était l'iPad d'aujourd'hui, c'est la nouvelle génération qui Peppa Pig. Bah oui, voilà, donc non, j'ai le Club Dorothée, je l'ai bouffé en long, en large, en travers. Club Dorothée. Et gueugue, gueugue, qu'est-ce qui devient aussi, putain. C'est même sur lesquels je me suis branlé. Avec la télécommande incurvée là, t'as truc, elle avait tout, tu l'as appuyé dessus. Mais moi, non. J'ai pas regardé les clubs orotés, je mais toi, t'es trop jeune, quoi. Kadedosa, avec Kadedosa, moi. Kadedosa, bah, avec toi, avec toi dedans, Kadedosa. Avec moi dedans. Bah oui, il avait fait un montage, ta gueule. Il avait joué dans Strictement Platonique, la série de Kadedosa. On avait parlé au Bataclan, souviens-toi. Il avait fait un montage, mon enfoiré. On tourne 18 minutes utiles par jour. Personne fait ça en Europe. Je crois que j'ai un indice pourquoi. Le résultat en vaut la chandelle. Ouais. Il y avait non, qui d'autre dedans? Il y avait quelqu'un d'autre? Les minicums, j'ai dit. Sébastien Giray, Capucci. Attends, tu vas me donner les noms des comédiens. C'était Fabien pas mal, les minicums. Il n'y avait pas vraiment de... Audrey Jacobi. Minicum. C'était quoi la musique? Minicum. Oh. Minicum. Oh. Minicum. Oh. Mais ça, t'as connu quand même. On est des minicums. T'as connu Douli, ça, tu vois? Ouais. Et puis surtout aller louer les cassettes, ça me manquait. Moi, quand t'avais les vidéos club et que tu disais je peux aller louer un film, et que tu commençais à taper dans les films de grands. Vidéo Futur. Ouais. Non, et mais t'avais le petit rideau dans Vidéo Futur. T'avais le petit rideau, bah, bien évidemment, avec les films de derrière, films derrière, de attention. Mais tonton, non, j'avais les cassettes de mon père, moi, qui étaient pas marquées. Papa, pourquoi y a pas d'étiquette? Touche pas ça. Oh, je vais tellement branler. Tu rembobinais. Oui, bien évidemment. Mon père, il avait, tu sais, c'est la génération, bah, que l'arrivée de la VHS, donc il avait télécassette, qui était en gros le programme télé où tu pouvais découper la bien jaquette sûr. Pour ah, la glisser. C'était génial. Avoir la vraie jaquette avec l'affiche, etc. Et t'avais le résumé du film, le synopsis, ça, la putain, photo. C'est et bien tout. Ça. Et il y avait donc toutes les cassettes avec ça. Et effectivement, quand il n'y avait pas le télécassette, un porno sûr et certain. Ah ouais, mais moi j'avais enregistré comme ça un film à la con, je sais pas, et au milieu du film, bim, film de boule. Et c'était mon père qui avait dû réenregistrer dessus. Vraiment, le choix stratégique est bizarre. Et c'était le film de mariage de mes parents, donc vraiment nul quoi. Non, mais c'est bizarre que c'était toi qui avais enregistré un film à la base. Ouais. Donc vraiment, c'est si tu sais que c'est ta gosse qui l'a fait, tu te dis. Non, il a pas dû vérifier. Il a vous avez pas vécu ça, je dis, parce que t'avais le film du dimanche soir et tu pouvais pas le regarder en entier. Et il disait, oh maman, s'il te plaît, je peux enregistrer celui-là. Ouais, d'accord, mais tu prends une cassette à toi et t'effaces un de tes films. Ah oui, les bien gens sûr. N'ont pas connu ça. Mais t'es là, tu regardais, tu dis, oh non, mais putain, mais quel film je vais effacer? Quel film je vais perdre? Non, mais c'est. On va l'effaceur. Non, mais. Oh, bien joué. Non, mais c'est génial. Et du coup, je voulais taper dans les films de ma mère. L'affaire Seznec, tu t'as pas regardé l'affaire Seznec? Non, tu me laisses la faire, Seznec. Oh putain, avec le mec qui a enlevé les terroristes dans le Thalys là. Bah oui, Jean-Hugo Glad. La faire Seznec, enculé. C'était une 240, je pouvais pas l'effacer, enfin, je pouvais mettre deux films dessus. Rétablissant la vérité, Jean-Hugo Glad, il a tiré la sonnette d'alarme. C'est tout ce qu'il a fait. Bah oui, mais il a créé une expression derrière. Et toi, Adrien, déjà, tu t'appelles Jean-Hugues. Et tout le monde l'a accepté assez rapidement. Alors, Jean-Hugues, t'es gentil, va acheter des After Eight. Non, mais comme ça tous les gens. Ça, parfois, il y a des gens, en fait, je me souviens de leur prénom et je me dis bah quand même c'est fou, genre Jean-Claude Van Damme, il s'appelle Jean-Claude quoi. Bah oui, bien Cookie sûr. Genre, il y a un moment Cookie Dingler s'appelle Cookie. Non, bah c'est un gâteau. Oui, mais c'est un surtout un surnom quoi. Non, mais il s'appelle Jean-Claude. Il y a vraiment ouais. Des fois Jean-Hugues Anglade, c'est son nom et on fait comme si c'était. Est-ce que tu peux ne pas aller à un rendez-vous Tinder ou ne pas accepter quelqu'un? Oh, je peux, ouais. Prénom, à cause du prénom? Non, pas le prénom. Non, si elle s'appelle genre Jacqueline. Bah, ça veut dire, alors, déjà, ça veut dire qu'elle a. Non, mais non, tu peux bah non. Non, en vrai, non. Regarde, ouais. Maintenant, les bobos, ils donnent des prénoms. Oui, mais de, ouais, elle a 7 ans, vieux. Du coup, donc j'y vais pas non plus. Mais... Non, mais en c'est vrai, vrai que le Delta. Est, oui. Pour répondre à la. Non, mais en vrai, Églantine, prénom. Églantine, t'y vas. Autant, je peux avoir des critères très. Genre, par exemple, si elle est en photo avec un cheval, par exemple. Ça t'enlève. Ou alors, si elle a indiqué son signe astrologique. Ouais, mais les meufs qui font du cheval, elles ont des. Non, mais Michel. Michel, non, moi, il y a un truc qui me freine un peu. Michel, ouais, mais, ah, mais tu après... C'est très drôle que tu dises ça parce que moi, justement, le truc que tu dis, Adrien, ça m'a fait ça. Clara est allée voir Michel Polnareff. J'ai écrit un sketch là-dessus. Hein. Elle était voir Michel Polnareff et du coup, dans la salle, les gens criaient Michel. Et c'est vrai que c'est un peu ridicule. Ouais, et après, tu te rappelles, bah oui, c'est Michel. C'est Michel. Non, mais si tu peux pas dater une meuf ou un mec qui a le même prénom que ton père ou que ta mère. Enfin, moi, je veux très bien sûr que ça. Et moi, je suis un numéro 1, mais tout va bien. Non, je suis d'accord. Bah, c'est un peu même bizarre. Ma soeur, si elle porte bizarre. Un masque de mon père ultra réaliste, moi, j'ai jamais couché. Et que tout le reste est ok, j'y vais. Non. J'ai jamais couché avec une Justine par exemple. Je me ta vois mère pas s'appelle Justine dire... Non, ma soeur s'appelle Justine. Ah, oui. Je vois pas oui. Dire le prénom de ma soeur. Oh, t'aimes ça Justine? Ouais, ça mais ferait... non, mais j'aurais non. Une mini image de... Ouais. De flash. T'es pas obligé de poser cette question. Mais, en si, temps, c'est... Hein. Mais si c'est une bobon qui a tout qui va, qui a tout qui va. Non, mais ça, tout, ça c'est des trucs que tu fais genre oui. Ouais, t'inquiète non, que les critères, les verrous peuvent sauter rapidement. Non, ce qui me rassure, c'est que. Une régine connue, je sais que je la baiserai jamais. Parce que voilà, c'est ma mère. Juste, non, je sais pas, non. Il y a un truc qui peut bloquer. Ah, mais non, je vois ce qu'il veut dire. Je vois ce qu'il veut dire. Donc ouais, Adrien, toi, la télé, elle avait une place dans ton enfance ? Oui, moi, je regardais beaucoup quand j'étais très petit. J'avais des cassettes de Tex Avery. Oh wow. Pour moi, c'était pour les grands Tex Avery. Ouais, c'était... mais bon. Ouais, mais toi, t'as une maturité dingue. T'étais un zèbre, tout simplement. Non, mais en vrai, mes parents me montraient ça. Enfin, ils m'ont montré ça très tôt. Je pense que c'est des trucs qu'ils avaient enregistrés à la télé. Donc j'avais, je sais pas... Je pense que je regardais les mêmes cassettes en boucle, quoi. Mais ouais, tout petit, je regardais Tex Avery. J'étais fan de Tex Avery, quoi. J'ai pas trop, en vrai, regardé tout ce qui est Chevalier du Zodiac et tout ce qui est complètement ma génération. J'ai pas du tout regardé ça. T'es passé complètement quoi. À côté. Ouais. Même Dragon Ball Z, tout ça. Ouais. J'ai pas regardé du tout. Olivier Tom. Olivier Tom, un peu. Un peu, moi. Un peu, mais pas. Tom Olivier, au moins. Ils sont super entraînés, ça, je sais. Voilà. Ils sont super entraînés. Ouais, bien sûr. Et Arte Cœur à Vif. Oh non, là là, non, non. Ah, ça en vrai, oui, j'ai un pas peu. Trop regardé la tête du tout. Ça, oui, un peu, parce que moi j'aimais bien Drazik. Ah, Drazik, bien sûr. Ah, Drazik, Doudou. Il était sexy. Bah, évidemment. Toi, qu'est-ce qui devient le petit trait de sourcil. Tu vois, eh ben, peut-être que Drazik est moche aujourd'hui. Attends, on va taper Drazik. Alors, Baptiste, toi, t'adores courir. C'est vrai, la course à pied, c'est ta putain de passion. Eh bien, il existe. T'es sportif, toi, Doudou, ou pas? Quoi? T'es sportif, toi? Ouais, je fais du sport tous les jours, chérie. Alors, tu fais quoi? Je déteste ça. Ah, t'as toujours pas trouvé la dopamine? Non, c'est quoi non, le mot? Non, non, l'endorphine. L'endorphine. Non, je suis très contente de quand j'ai fini, mais je déteste ça. Mais je fais des squats, des fonds, des conneries, toutes des burpees. J'arrive plus. Conneries comme mais ça. Mais tu te sens bien quand même quand c'est fini? Ah, quand c'est fini, c'est génial. Mais par contre, je mets tous les jours, genre 3 heures à me dire, faut vraiment que je le fasse. Faut vraiment que je le fasse. Sans la musique. Peut-être je serais obèse et très molle. Ouais, c'est ça, la musique. Et, la musique... et triste aussi. Ouais. Parce que c'est surtout pour ça que j'aime quand je fais du sport. C'est vraiment pour le côté. Ouais. Tu te sens mieux. Ouais, bien sûr. Triste après. Ouais. Et quand je suis vraiment dans le bad, ça fait du bien. Mais il faut y aller, quoi. Et je déteste ça. Après, je trouve ça nul parce qu'à Paris, tu vois, on n'a pas vraiment de. Tu sais, on n'a pas la plage et tout. Alors que là, tu peux aller nager, c'est à la plage, des trucs d'extérieur, quoi. Parce qu'il y a des jeux, même du beach volley ou des trucs comme ça où tu t'éclates avec des gens. Les sports, moi, s'il y a un ballon, c'est bon. Oui, c'est ça. Tu peux courir 5 heures. Oui, mais c'est ça. Tu fais du sport, tu te rends pas compte que tu fais du sport. Tu arrives à la maison, t'es flingué. Mais tout seul chez toi avec ton vieux squat, là. Non mais moi c'est terrible, mais je suis vraiment un enfant. Ouais, si ça n'est pas amusant, je n'ai pas envie de le faire. C'est pour ça que j'ai hésité à m'acheter le. J'allais dire Wii Fit, mais non, le truc Switch là. On m'en a parlé il y a deux jours, il paraît que c'est très drôle. Il paraît que c'est bien. Mais je suis sûr qu'au bout de. Je vais m'en lasser. C'est ça. Au bout d'un moi j'y ai joué beaucoup, 2 mois et après. Mais moi je comprends pas qu'ils fassent pas des appareils où genre. Je sais pas, attends, mais tu vois, un tapis roulant et tu veux jouer à Zelda Tears of the Kingdom, mais pour avancer, ou un vélo, tu vois. Ouais. Un vélo d'appart, mais tu le branches et si tu veux avancer, faut pédaler. Ouais. J'aurais un cul de fou. Il veut refaire Hugo Délire, quoi. Pareil. Hugo Délire, mais sur un vélo. C'est ça qu'il faudrait, quoi. Un truc, un mode où dit si tu veux avancer, tu pédales. Et tu vas avoir des mini-jeux à la con, je pense. Oui, mais des mini-jeux à la con, des jeux nuls. Moi, je voudrais un périphérique où ils vont pas te créer The Last of Us pour faire du vélo, enfin c'est ridicule. Non, justement, je dis. Je suis d'accord avec Adrien, il faudrait vraiment un truc où t'oublies que t'es en train de faire. Eh ben, sucez-vous alors si vous êtes d'accord. Non, mais ça serait 3 lignes de code de dire ah oui, aussi on supporte tel périphérique. 3 lignes de code. Non, mais là, c'est bon, là, il y a tous les gens de Micromania qui doivent péter un câble en dégoûtant. Jette leur gilet bleu à capuche là. J'ai raison. Non, mais de faire un périphérique qui juste. Mais je pense que ça existe, gars. J'ai trouvé Drazik. Bon, ça va. Il a tué quelqu'un. Malheureusement, aïe. Mais c'est pas lui là aujourd'hui. Là. Bah, c'est très bizarre. Si, c'est lui aujourd'hui, il a 47 ans. Il y a eu un changement drastique. Oh. Il a l'air assez. Je l'ai pas vu venir, enculé. Quoi? Moi non plus, j'ai pas vu. Non, mais attends, ça existe, ça, Adrien. Je l'ai vu dans une salle de sport, mais genre à New York ou un truc comme ça. Oh là là. Ça va, la thune? Non, non, bah non, je suis en tournage pour un film qui a cartonné. Non, mais. Il y a ce truc de simulation de vélo où tu mets ton vélo et tu te vois pédaler et tu joues en multijoueur et tout. Non, mais t'es pas. Je m'en branle de. Ouais, c'est déjà, c'est genre. Je m'en ils font un truc maintenant sur les vélos. Tu as. J'ai ça sur mon vélo. Nul, ça va être nul. Vas-y. Non, ouais, ça va être nul. Non, mais par rapport à Zelda, c'est bien. Tu mets le paysage. T'as le paysage qui défile. Ah oui, tu peux reconnaître où on est en France parce que t'es un génie, c'est ça. Non, mais t'as genre t'as San Francisco, tu peux faire. Oui. Non, moi, ouais, ça me tu fait pas oublier fois, que je suis sur un vélo. Oui. Mais non, mais après. Mais par rapport à Hyrule. Zelda, oh là là, il compare tout à Iru. Quand t'as un objectif sportif à atteindre, tu te mets un objectif sur le truc, tu te dis il faut que je fasse tant. Et bah t'écoutes des bons podcasts ou t'es pas. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à me motiver. Moi, le podcast, c'est en fait souvent je me mens à mon cerveau. Je fais d'abord podcast, après musique. Et moi, avec les musiques, je suis toujours en train de tricher un peu, tu vois, de dire ok, je vais au bout de cette chanson là. Après, je vois à mon temps, je suis à 7 minutes 34, je fais allez, je vais à 8 minutes. Ouais. Une fois que je suis arrivé à 8 minutes, je fais fait, ok, je vais au bout de l'autre chanson. Ouais. Et ça marche pas mal. J'en reviens au truc que je disais, c'est moi, je rêve d'avoir un robot chez moi qui peut me maîtriser physiquement. qui me dit ah, tu sais, je le programme, il me dit ah, 9h, c'est l'heure de faire du sport. Et je fais non, je vais aller faire de l'ordi. Il me fait non, il m'attrape, il fait non. Il te chope au cou. Non, il m'attrape, il fait non. Mais il prend mon bras, faudrait... il fait non. Et là, il y a Will Smith qui rentre, il le tue, il fait et on m'oprime dessus. Ouais. Et il me regarde et il fait ok, mon intelligence artificielle analyse que tu as fait tes squats et tout, c'est bon, tu peux continuer ta journée. Sinon, je peux pas. Bah, va en tôle, fais ça en tôle. Ça s'appelle la promenade. Promenade, Adrien. Non, mais c'est là. Toi, tu cours tous les jours. Tous les jours. Mais c'est un délire. Sans robot. Je comprends pas comment. Non, mais c'est-à-dire que je me lève et dans ma journée, je me dis attends, il faut absolument que je fasse mon sport dans la journée. Comment je vais faire ? Comme là, par exemple, je sais qu'en rentrant, je me suis dit ce matin, je ferai mon sport en rentrant ce soir. Mais je ne peux pas. Hier, j'étais un peu malade et j'ai dit il faut que je transpire. J'ai pris mes baskets, j'ai mis une grosse veste, j'ai été courir 10 bornes, j'ai transpiré. Et après, je suis rentré, je me suis fait un petit plat de pâtes et j'ai savouré. Parce que j'ai dit, au moins, je l'ai bien mérité. Est-ce que t'as déjà passé genre une semaine sans rien ? Non. Oh là là, de malheur. Non, le max que j'ai fait là, sur mes 15 dernières années, pour de vrai, c'est 3 jours sans sport. Et t'étais comment ? J'ai envie de crever. Ouais. J'ai les mains moites. Je t'en parle, j'ai les mains moites. Moi qui l'ai un peu vu à tourner. C'est un pour moi. Même quand c'est tard, le temps qu'il a pas couru, c'est vrai qu'il est plus... Moi, je suis un peu pareil, mais sauf que vraiment, je suis pas aussi assidu que lui à faire... Il est un peu un lynx, oui, Adrien. Alors moi, je fais pas de sport, je suis hyper relax. Tu vois, vous voyez, y a pas besoin de mettre dans le déni. C'est pas c'est juste un travail sur soi. La sensation de rentrer, personnel. De faire. Non, mais en plus moi c'est long. Des fois, en plus quand je fais le vélo, ça prend 2h, 2h30. Je fais 45 km de vélo. Je fais des pompes, gainage, et c'est très long. Donc une fois que je me pose, ça prend énormément de temps. Ça prend du temps, mais des fois j'ai pas le temps. Mais quand je me dis je veux tout faire, aucune motive également. Mais j'ai pas le temps. Mais attends, des fois j'attends. Toujours le temps. T'as toujours une demi-heure dans ta journée en fait. Non, mais des fois j'attends que tout le monde dorme. Des fois je fais du vélo à minuit. Hein. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de commencer une session de sport à minuit et demi, une heure de mat. Une session de psy, t'as essayé ou pas ? Mais non, mais c'est parce que si je le fais pas, je me sens pas bien. C'est tout. C'est juste mais en que plus, c'est une espèce de je me drogue pas, je bois pas, mais je sais que le sport, c'est vraiment l'endorphine. Heureusement c'est que tu ne prends pas de cocaïne, chérie. Je te l'ai toujours dit. C'est comme Obélix, il est tombé dedans quand t'étais petit, lui. T'es con, allez, on va s'écouter un petit Michel Delpech. On est avec sa gemme, le mal, c'est dans la boue. On est avec sa gemme. Il est bien il est bien audible cet épisode. Alors pourquoi je vous pose cette question ? Eh bien sachez qu'il existe des marathons. Toi, attends, ton cul. Toi tu t'y es mis au sport. Toi, oui, j'en parle suffisamment dans ce podcast. Tu t'y es mis. Ouais. J'étais trop content que tu t'y sois mis. C'est grâce à Baptiste. En fait, il m'a offert. Alors on parlait des jeux, des jouets, des gadgets. Oui, mais moins bien que qu'est-ce Zelda. Que Baptiste m'a offert une Apple Watch. Et c'est vrai que l'Apple Watch m'a beaucoup aidé. Pardon, je t'ai pas offert une Apple Watch, moi. Pardon, je t'ai offert 8 ans d'un super podcast. Non, il m'a offert une Apple Watch. Et l'Apple Watch, effectivement, après, a ce truc. C'est sa vieille Apple Watch qui t'a refilé. Oui, c'est pas parce qu'il a acheté une nouvelle, mais ça reste adorable. Non, attends, ça rigole ou quoi? Elle est quasi neuf. Moi aussi, j'en fais des cadeaux comme ça. Et après t'as l'objectif calorique qui te met voilà ça, mais ça c'est génial et ça c'est génial quand t'as ça tu te dis bah, allez je vais me le faire et des fois je te jure moi il me manquait un truc la dernière fois j'étais en tournage j'étais bouffé j'ai dit putain il manque 200 calories je vais pas mais t'es sur les calories j'étais marché non, ça te dit le temps qu'il faut que tu te c'est là où le côté psy entre en jeu quoi et non, j'ai écouté non mais parce que c'est pas grave j'ai bandé 30 minutes ça m'a rendu si il manque 3 mm sur ton rond c'est pas grave là c'est plus le truc de complétion qui t'obsède parce que Adrien a raison un petit peu chérie mais parce que je suis comme ça je le comprends totalement de toute façon je suis foilier donc pas moi qui vais te juger là-dessus regarde si je dois faire 30 minutes de sport à 28 minutes, genre j'ai décidé 30. À 28 minutes, ça m'a saoulé de fou. Si je fais pas ces 2 minutes, ces 2 minutes ne changeront rien à la forme de mon cul. Mais si tu fais pas les 30, tu te sens. Mais c'est ce que me disent. Je courais avec un pote qui prépare tous les marathons. Il me dit ah, c'est bon, on arrête. Je fais non, gars, on a fait 9 km. Et on fait 10. Oh, non, ça change rien. Je dis putain, malade mental. Moi, je veux mon chiffre rond. Là, ouais, j'ai couru 150 km. Non, on va arriver à 160, gars. Hein. Ouais. On fait pas 159. Ouais. Oui, voilà, donc il y a un petit peu de. Oui, y a un petit... Non, mais je comprends, mais après, c'est ça qui te motive, je pense. Qui fait que quand je suis en slip, magnifique. Il y a une éclipse. Surtout avec une éclipse. Et j'ai sauvé Tintin. Surtout avec cette petite coupe de surfeur là. Oh là, ça doit être pas dégueulasse. Si vous avez vu Matthew McConaughey dans Sahara avec Penelope Cruz, c'est vrai qu'il y a un petit côté Matthew McConaughey. Ah, mais c'est ça. C'est entre ça. Ryan Gosling. Non, mais arrêtez, je suis tellement pas Ryan Gosling. Non, t'inquiète, hein, c'est une blague. Hein. C'était. Ah, non. Faut pas que tu t'inquiètes là-dessus. Hein. Je vous chie dans le cul. Bon, avec et ça, faut avoir des sacrées cuisses pour le faire. Il existe des marathons un peu étranges autour du monde. Marathon Harry Potter, peut-être. Ça existe. Je vous donne les noms et à vous de me dire à peu près le concept. Ah, ça, je déteste. La self-transcendance 3100 mile race. J'aurais pu dire 300, alors, mais couilles. Tu prends des champignons et tu cours. Des chamans. Non. La self. Pas avec des chamans, mais effectivement, on est sur un truc un peu. Chamanique. Ayahuasca. Des chamans de traîneau. C'est des chamans de traîneau. La self, t'as dit. Ça peut être le titre, ça, attention. Oui, la self-transcendance. Ah, j'ai compris, la self. Genre, tu cours avec un plateau du self pendant 31 km. Il y a des frites, Ah non, c'est jeudi. Oh non. Mais quand tu te transcendes. Attends. Ouais, parce est-ce qu'il y a un aspect mystique? Oui, c'est ouais, il y a un petit aspect mystique. Et c'est pas prendre des champignons. Ah, ça passe à New York hein, déjà. Ah bon, j'allais dire, c'est pas en Bretagne où il faut courir autour des menhirs. Tu prends des substances? Non, mais ça a été créé par un maître spirituel indien qui s'appelle Sri Chinmoy. Il y a des chants. Des chants qui te mettent en transe. Non, pas des chants. Tu médites en même temps, une sorte de méditation? Il y a un truc de record déjà du monde. C'est un marathon qui est le plus quelque chose. Ah, le plus long. Alors déjà, c'est le plus long. Le plus long. Puisqu'il pour le tu disposes de 52 jours pour terminer l'épreuve. Oula, sachant qu'il y a une pause. Non, il y a des pauses entre minuit et 6h du matin. Stop. Mais en gros, tu fais 3100 miles. Mais donc, Florent, je sais pas, qui a le temps de faire ça? Qui a 52 jours? J'ai posé 52 jours. Bon, c'est un truc de riche. C'est des mecs qui sont policiers. Je suis policier, je pose 52 jours. C'est un truc que tu fais dans ton année. C'est comme des gens qui disent je fais le tour du monde ou des gens qui font. Je vais en Australie faire des kangourous. C'est soit des gens très riches, soit des chômeurs. Soit des camés. Il y a pas d'entre deux, il y a pas de voilà. Ouais, des camés ouais. Donc ça, en gros tu fais il faut 52 jours pour terminer l'épreuve, sachant qu'il y a une pause entre minuit et 6h du mat. Mais elle a quelque chose en plus cette épreuve. T'es en slope ou un truc comme ça. Pieds nus. Pas pieds nus. Oh, doudou, tu te fais fouetter. Non. Tu te fais fouetter pendant 59 jours. Avec des orties. Ah, tiens, transcende-toi. La musique n'a rien à voir là-dedans. La musique n'a rien à voir. Mais donc il y a un truc c'est spirituel. C'est le plus long du monde, mais. C'est. Sur une distance très courte. Très bonne réponse. Oh non, ah ouais. Oh, ah, le circuit non fait que 883 mètres. C'est-à-dire que tu dois le faire. Tu dois le faire plus lentement 5000... possible. Non, tu le fais à ta vitesse. Mais c'est les trucs des chevaux mais là. Mais il faut le faire 5649 fois pour arriver au bout du marathon. Oh là là. Tu fais 5649 tours. Comme ça ouais. Oh l'enfer. Pendant 52 jours. C'est comme les chevaux là qui tournent dans les box. C'est là. Ça, c'est un truc de. Mais c'est ça. Mais ils changent la déco un peu. Bah il y a des saisons. Ça va 52 jours, donc les saisons changent. Le quintet, c'est le quintet ça. C'est Omar Sharif. C'est qui dit. C'est lui qui a la fin qui t'applaudit. Putain, Omar Sharif. Qu'est-ce qu'il dit? Il est avec Scarabée et Drazik. Tous les trois. Alors le marathon du Médoc par exemple. Le marathon du Médoc. Un petit coup de pinard. Ah oui, j'ai l'ostéo, quoi, j'ai un pote. Tu cours dans les vignes. Tu cours et tu bois et ils sont dans un état catastrophique. Ouais. tu passes dans les domaines et tu goûtes plein de vin et après tu finis la course. Ce marathon est très festif. Tu finis rebout de fou. C'est ça. Et t'as avant tout l'occasion de déguster à chaque ravioli. Ça c'est. Ça c'est la France. La ligne d'arrivée est en dégueulis du Mans. Là c'est que des gens qui dans le train regardent le paysage. Et tu peux le faire un peu déguisé en plus. Oui, bon. J'ai un pote ostéo qui est la France. En diablotin par exemple. J'ai un genre de petit diablotin. Oh, laissez-le passer ce diablotin. Gérard t'es à poil avec un. Oh, diablotin. Sale du démon. Donc à chaque ravitaillement, un bon verre de vin est offert par les différents châteaux qui jalonnent le parcours. Ah, quel enfer. Mais en plus ça fait monter l'alcool. Non, en plus, ouais, l'exercice. En plus ça n'est pas bien. J'ai un copain qui l'a fait vraiment. T'as des blessures horribles. Non, mais bien sûr. T'as des tendinites. Les gens sont pas bien. J'arrive pas à imaginer quelqu'un. Pardon pour ton pote. Hein. J'arrive pas à imaginer quelqu'un qui fait cette course. Ostéo des Girondins de Bordeaux. Hein. Oh, juste alors, ça. Alors. Non mais c'est un mec qui est super clean. Vous avez pas muselé. Je n'arrive pas à imaginer quelqu'un qui fait cette course et qui n'est pas énervant. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ou qui n'est pas de ma famille. Non, mais en fait, ils aiment bien l'ambiance. Mais moi, c'est ça, non, c'est ce qui fait que je fais jamais de course. Fais pas les quoi. C'est ce qui. Mais il y a une vraie ambiance bon enfant au début des courses. Les gens sont super contents. Oui, et bah moins oui. Bon enfant à la fin où ça se bat comme toutes les fêtes de village. Sûr. Non, non, mais. Le crispy. Non, mais il y a un côté. Bah attends, je suis un bon vivant, quoi. Merde. Oui. J'aime le sport, ça m'empêche pas d'être un bon vivant. Bah, merde. Ouais, bah, ouais, mon pote. Bah, t'es énervant. Voilà. Va faire ta course, mais t'es énervant. Le Krispy Kreme Challenge. Et là, c'est au States. Tu manges des donuts. Alors, c'est un peu ça, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il faut manger à tous les mètres. Il faut pas tous les mètres. Tous les 100 mètres, il faut manger un kilomètre. Pas tous les miles. Pas tous les quelque chose. Ah. C'est un peu plus. Tu dois manger un certain nombre de donuts. Autant de gâteaux sur. Que de kilomètres. Non, c'est un. À la piste, t'as une forme de donut. Oh, ce serait cool. Tu les rinsères quoi. On patauge dans la crème. Mais c'est quand même une quantité de donuts que tu dois. Alors oui, il y a une quantité. Il faut manger une douzaine de donuts avant de faire la course. Alors c'est pas avant, mais je vais. Pendant. C'est à mi-chemin. En gros, tu fais l'aller sans donuts. Tu vas au Krispy Kreme, tu manges 12 donuts et tu dois revenir. Oh là là, et là, t'es dans la merde. Et là, t'es un peu dans la merde. Là, pour l'instant. Attends, le premier, c'était. Ah non, tout est énervant. Ouais, tout est énervant. Le truc où tu tournes en rond sur un petit truc, c'est peut-être le pire. Tu prends une montagne de paix sur le retour. Alors, c'est ça, apparemment. Alors, l'anecdote raconte ça. Apparemment, les gens chient énormément à cet événement parce que tu digères pendant que tu cours. Pas en courant quand même. Ah ouais, bah, non, à la fin. Enfin, c'est-à-dire qu'à la fin, ils finissent avec une envie de chier. Gars. Parce qu'il faut savoir que quand tu cours, t'as envie de chier déjà. T'as envie de chier. Oui, oui, ça, bah, oui. Et donc, quand t'as mangé 12 donuts. Et pas chier dur. Putain. Oh là là, bonsoir. C'est-à-dire que quand t'arrives, faut savoir que pour la course, les gens dispensent environ 500 calories pour gagner 2400. Le bruit brun là. Ils gagnent 2400. Je mets le bruit brun. Le brown noise. À l'arrivée. Alors quand même, ça par exemple, c'est pour. C'est de la pub pour Cosprim. Alors oui, mais c'est aussi pour une asso. C'est-à-dire que quand tu demandes à participer. Ça, faut arrêter. On fait la pire merde qui existe et puis on dit non, mais c'est pour une asso. La Wings for Life. Wings. Attends, elle était où la course Wings. Que t'as balancé avec les donuts en Caroline du Nord. En Caroline du Nord, ça m'étonne pas. Là où bah tu connais bien. Avec du chicken. Alors pas de chicken wings. Attends, c'est Wings. La Wings for Life. Alors ça va pas vous donner vraiment de Wings avec un Wings, G. Avec un S. Enfin GS. Wings, Wings. Les ailes. Ouais, les ailes. Pardon. C'est dans un avion. Alors c'est pas dans un avion. Il faut savoir que c'est. Wings. T'as un petit delta plane et au bout de la course c'est un précipice. Et tu te jettes et Wings. Tu ça vole pas, t'as perdu. Alors il faut savoir que ça va pas vous aider le titre, mais par contre il y a une catcher car pendant l'événement. Ah. À votre avis, quoi? Ramasser les gens qui ont pas pu continuer la course. C'est pas ça. Ah ouais. À ramasser la. Non, pas de merde. Y a pas de merde. Ah, il faut qu'on découvre ce que c'est qu'une catcher car. Il faut deviner ce qu'est la catcher car, à quoi elle sert. Les détritus. C'est les motocrottes. Non, ça vous donne le concept de ce marathon. Ça n'a rien à voir avec les wings de poulet. Et ça n'a rien à voir avec le catch. Pas le catch. Non, catcher c'est l'attraper. Ouais, je sais. Non, catcher c'est un. Ah, il faut courir après les poulets. Non, y a pas de poulet. Oubliez Wings for Life. Non mais y a un rapport avec des ailes. Y a un non, rapport. Non. Ah, non. Oh là là, okay, ah mais Wings for Life, c'est pas un assaut justement. Si, ça. Oui, d'accord. Et la course s'appelle la Wings for Life. Mais je vous demande surtout de vous intéresser à la catcher car parce que c'est elle qui fait tout le sel de ce marathon. Ah. Elle arrose les gens pendant. Non. Jette des bouteilles d'eau, il faut les récupérer. Non. Donc c'est catcher parce que effectivement elle doit attraper quelque chose. Est-ce que c'est genre un chat géant? Elle court derrière toi et si tu ralentis trop, elle te ramasse. Alors en fait. Elle accélère de plus en plus. Oh putain. C'est-à-dire que tu dois courir. Oh, c'est génial. Sachant que ça t'as envie ça, de le faire. Non, j'ai pas envie de le faire. J'ai envie d'être dans la bagnole. Elle te capture. Allez les vieux genoux, connard. Allez talons fesses. Elle te roule dessus par contre. Elle t'attrape. Elle t'attrape, c'est ça. Aucun coureur ne sait ni pour combien de kilomètres ni pour combien de temps il part. 30 minutes après, coup de pistolet, une voiture s'élance à 14 km/h sur le parcours et rattrape les uns et les autres un par un. Lorsqu'on est doublé, alors voilà, elle vous double. Oui, elle te double, oui, bien voilà, sûr. La course s'arrête bien vous. Bien qu'elle t'aspire pas comme dans un dessin animé. Comme une motocrotte. Oh non. Oh, je suis bloqué. Oh, il a une belle vie. Pour les coureurs les plus rapides et les plus endurants, l'épreuve se corse au fil du temps, parce que la catcher car augmente son allure de croisière jusqu'à atteindre les 30 km/h après 3 heures. On dirait les films dystopiques, genre. Running Man avec Running Man, c'est ça le début. Le prix du danger avec Gérard Lanvin. Avec Gérard Lanvin. À ce rythme, il est impossible de lui échapper. Je suis Gérard Lanvin. Oh, attendez. Société, là, elle est trop de balles. Attendez, moi, je fais la rue du Médoc. Il est impossible de lui sans échapper. Courir, par contre. Et les meilleurs parviennent à courir une soixantaine de kilomètres avant de se faire attraper. Wow. Ils quand se même. Font tous attraper. Ils font tous attraper à la fin. Okay. Bah, y a pas de ligne d'arrivée, du coup, c'est ça? Non, c'est le dernier à attraper. C'est, ça, c'est vraiment un c'est chat ça. Géant. Tu cherchais un jeu pour t'amuser. Ah. J'avais eu ça en camp de basket l'été à Vichy. Je faisais des camps de basket, mais vraiment avec un niveau vénère. Mais non, c'était un niveau vraiment balèze. Et le pion le soir, faisait du bruit dans le dortoir. Il nous a réveillé et dit allop sur le stade. Il a pris sa bagnole. Il avait une 106, je sais pas quoi. Il a allumé les phares et dit courez. Et wow. Je te jure, on attends, était à minuit. Ouais. Parce que vous faisiez du bruit, c'est ça? Ouais. Okay. Rassure-moi, il est en tôle. Non, non. Je te jure, on a fait 5-6 tours. Et, mais il est malade. Ouais. Je te jure, on a couru avec la bagnole et les phares allumés. Elle vous suivait à la voiture? Bien sûr. Oh là là, tous là. Les trucs où on se disait jeune, il est malade, c'est complètement illégal. Souvent, on était un peu, comment dirais-je, naïf en fait. Je me souviens. Il est un peu fou ce prof. Souvent illégal. Ouais. Et aussi, moi vraiment, je me souviens qu'il y a un prof qui lançait. Des craies, stylos, des trucs, des craies dans notre gueule, les brosses, ah ouais, ils font bien du bruit. Chef, il était un peu relou ce prof, hein. Illégal, ouais. Moi, ouais. Si à ma fille, il y a un prof qui fait ça. J'ai pris une droite. Ouais, prenais des broches dans la gueule. Ouais, dans la gueule. Non, moi, j'ai pris une droite derrière la tête. Hein. J'ai pris le poing fermé. Un coco. Oh un coco. Là. alors, t'as fait un coco. Monsieur Morel. Oh, il balance le nom. Non, bah oui. En plus, c'était François Morel des déchets. On l'avait le lundi et il rend les dictées. Le Kaplan, meilleure note, 18 sur 20. Vous avez oublié un S, 2 points en moins. Bah et il met une ah ouais, en plus c'est pour je fais mes gars mais t'as mais y a rien fais... qui va en plus mais quoi. Je te jure mais et donc la vie, elle fera pas de cadeau c'était, même c'était connu il fallait envoyer Gérard Klein là c'était connu genre le lundi ah vous avez Morel bon on va se faire taper sur la gueule non mais je faisais taper gars je m'étais pris une droite dans la nuque parce que j'avais oublié un S il y a ça aussi avec toutes les vidéos où la légende c'est ah voilà quelqu'un qui sait élever ses enfants c'est toujours de la maltraitance horrible de gens qui tu sais ces gens il lui a dit il a trop traîné sur internet du coup il a pris un flingue et il a tiré dans l'ordi et les gens non, sur Reddit il y avait ça beaucoup les gens disaient parenting done right et à chaque fois c'est vraiment des fous qui ont causé des traumatismes à leurs enfants. Attends de voir quand t'as des enfants et que tu les amènes chez papy mamie mais ça, Jamel Debbouze m'avait dit ça il m'a dit tu vas voir les vraies engueulades. Non mais j'étais au Marrakech du rire j'avais filé mes enfants j'avais filé ma fille à mes parents c'était la première fois il me dit mec t'es pas prêt hein. Je dis non ça va bien se passer il m'a dit non t'es pas prêt sur le niveau d'engueulade que tu vas avoir et j'avais eu la plus grosse engueulade de ma vie après avec mes parents je leur ai dit pas de tétine avec Boudère pas de tétine j'avais dit s'il vous plaît juste pas de tétine s'il vous plaît pas de tétine ok d'accord pas de tétine c'est dans Star Wars ça non oh l'empereur pas de tétine celle-là c'est pour les geeks hein. Oh bah ah ouais. Oh non, un petit bonbon là dégustez-le pendant qu'il finit son histoire allez bien allez bien c'est un arlequin et on peut avoir des photos de la louloute on n'a pas eu de photo ils envoient une photo dans le couffin tétine et là je fais ouais c'est pas possible là. J'appelle, je fais, vous foutez de ma gueule ou quoi? Elle fait, oh, ça va, oh, c'est rien. Non, mais et là, mais c'est parti. Bah, ouais. Une guerre thermonucléaire. J'aurais pas parlé pendant 6 mois. Non, mais je te jure, j'aurais pas parlé pendant 6 mois. Non, mais c'est dur. Après, les grands-parents, c'est tellement un bonheur pour eux. Oh, et nous, oh, ça va, avec nous. Mais non, mais après, ça te nique, nique les nuits. Si tu as privé ton enfant de tétine et que des gens lui en donnent, c'est horrible. C'est comme du crack. Du coup, toi, bien sûr. Bah, non, mais c'est horrible. Chers amis, ça fait très longtemps qu'on parle. C'est vrai. Ah, bon oui, mais oui, malgré le montage, ça fait quand même 2 heures qu'on parle, 1h10 pour vous les auditeurs, mais ça fait longtemps qu'on parle. C'est l'heure des recommandations culturelles. Oh, bien sûr. Oui, bien sûr. Je peux commencer. Ah, bah, je t'en supplie. J'en ai une sublime. Allez. Non, enfin, sublime, ça, c'est le genre de truc qui ne plaira qu'à moi. La pression. Pas du tout. C'est un petit jeu vidéo. Oh, ça un peu longtemps. Un peu indé. Bien sûr. Il n'y a pas plus indé que ça. Écoute, 5 balles, écoute. Il s'appelle Mossalina. Donc comme Mona Lisa mais t'inverses les lettres. Borsalino. Et je vais essayer de l'expliquer parce que c'est en fait le concept est assez simple mais à expliquer il est un peu relou. En gros, je suis déjà en train de galérer. En fait t'as des niveaux. Explique-nous on est en tapis. C'est un. Non mais en gros c'est un puzzle game. D'accord. Et c'est des niveaux donc c'est des niveaux très simples très qui tiennent sur un écran. Tu te balades pas, il y a pas de scrolling, c'est un écran. Et en fait sur le niveau tu as un ou deux objets que tu dois soit atteindre, toucher avec ton personnage, soit détruire. C'est-à-dire le détruire soit en le faisant sortir de l'écran, d'accord, soit avec d'autres trucs qui sont à ta disposition, etc. Et ton personnage, donc il y a des obstacles, il y a des trucs dans le niveau. Et ton personnage, il a une sorte de fusil, en gros, qui a 3 fonctions différentes que tu peux choisir à ta guise. Et en gros, par exemple, la première fonctionnalité, c'est tu peux tirer des flèches. D'accord. La deuxième, c'est tu peux tirer et tu crées une zone qui, sur cette zone-là, inverse la gravité. D'accord. Donc, quand tu vas dessus, tu montes. Et la troisième. Tiens-toi bien, il revient. C'est pas sorcier aussi. Oui. Oh yes, putain. Oh, c'est un génie. Et la troisième, c'est tu peux tirer des champignons et ces champignons, quand ils sont au contact de quelque chose, ça le fait, truc rebondit. Grand... Ah, merde. Non, ça rebondit. Et toi-même, si tu sautes dessus, tu rebondis, etc. Ça. Et en fait, ce qui est très fort, ce que je trouve trop bien dans ce jeu, c'est que donc à chaque fois que tu meurs, non seulement t'es renvoyé sur un autre niveau que celui que tu viens de faire, c'est aléatoire, mais en plus les trois fonctionnalités de ton arme, c'est aléatoire, c'est-à-dire que t'as jamais les trois, il y a une pas une infinité, mais il y a, je sais pas, une cinquantaine de fonctionnalités possibles, et ils t'en mettent trois aléatoires, et c'est à toi de t'adapter à chaque fois, de te composer, de dire ah putain comment est-ce que je peux faire, ah, attends, parce que et du coup tu peux pas trop planifier, parce que en fait non seulement c'est pas le même niveau, mais t'as pas les mêmes fonctions de ton truc, et du coup t'es obligé de trouver des trucs de créativité. Tu vois, par exemple, il y a une fonctionnalité qui c'est tu tires des poissons avec ton truc. Va trouver. Et à chaque fois, je me disais, mais à quoi ça sert cette merde de poisson ? Et un jour, j'avais utilisé toutes les fonctionnalités. Et donc, et en gros, le but, c'est qu'à chaque fois, une fois que tu as touché ou détruit les deux fruits, parce que c'est des fruits, faut que tu ailles dans la zone qui t'emmène vers le niveau suivant. Et du coup, j'avais utilisé deux de mes fonctions et il me restait que les poissons. Et j'étais genre, mais qu'est-ce que les je peux en foutre ? Les poissons avec des fruits. Et en fait, la zone, elle était un peu en hauteur. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai sauté, j'ai tiré des poissons vers le bas. Et du coup, j'ai marché sur les poissons, j'ai sauté et j'ai pu atteindre la zone. Putain. Mais il y avait un truc de, il faut avoir l'idée de le faire et tout. Et en fait, c'est que ça tout le temps. Il faut toujours être dans la créativité. Finalement, de dire putain et te démerder avec ce que t'as. C'est ça. T'es attribué aléatoirement, ouais, c'est un peu la vie quoi. Impossible de rester passif comme ça. C'est pas un truc où tu joues dans le métro pour passer du temps et tout. Enfin, ah, c'est que sur PC. C'est PC. C'est PC. Ah, donc, si vous avez le Steam Deck, vous pouvez y jouer dans le métro. Le Steam Deck, c'est quoi ? Le Steam. Je te le dirai. Je t'expliquerai ça après. En gros, c'est un PC portable, comme une console portable, mais c'est un ordi. D'accord. Et t'as tous tes jeux Steam. Et qui a créé ça ? C'est des Français ? C'est des Steam Deck ou le jeu ? Non, le jeu. Le jeu, non, c'est pas des Français, je crois, mais j'ai oublié le nom du studio, c'est Wombat quelque chose, mais j'ai oublié. Wombat. Quelque chose Wombat, mais Lazy Wombat peut-être. Bon, bref. En tout cas, c'est Mosalina, il coûte 5 balles. C'est exactement le jeu pour moi. Je suis même deg de pas avoir eu l'idée de ce jeu, tellement c'est trop bien quoi. Et voilà, 5 balles. Vous les avez les 5 balles, on les a. Voilà, Mosalina, super jeu. Magnifique. Baptiste. Moi d'abord ? Ouais, moi j'ai pas regardé. Elle a pris les rênes d'Ouli, c'est le Père Noël ou quoi? Non, je savais qu'il allait adorer. J'adore. Ouais, bah, mariez-vous. Faites des spectacles, une coloc. C'est prévu. On fasse des spectacles. Attends, tu veux que je fasse? Moi j'ai regardé des trucs. Alors moi j'ai pas regardé beaucoup de choses malheureusement dernièrement. Mais je re-regarde un truc. Les importantissimes de Chris Esquer. Bien sûr. Qui est un mec à qui j'ai envoyé un texto d'ailleurs et qui m'a dit en ce moment je suis en retraite mais je vais revenir bientôt, ce qui est complètement fou. Mais Chris Esquer est un talent qui a été à Canal pendant des années, qui faisait de la scène également, qui faisait de la scène, qui a fait deux spectacles. Son premier spectacle est dispo en vidéo si vous le trouvez, il est incroyable. Vraiment, c'est vraiment le comique que ma meuf adore regarder. Dès que je le mets, elle rigole, mais très très fort. Et tu sais, c'est vraiment fort à un niveau de, bon, ça va, moi aussi je fais un peu le même truc. Hein. mais ouais. Il est vraiment très drôle. Et il avait fait une série de mini-sketchs où il joue un animateur télé qui est complètement mégalo, qui est complètement con. C'est très absurde. C'est filmé. Je me demande si c'est pas sur YouTube, ça, je vais regarder. Et c'est sur YouTube, je pense. Ouais. Et il est importantissime de Chris Esquer. Et si vous voulez regarder, si vous voulez avoir l'envie de regarder Chris Esquer et de découvrir son univers, vous regardez la conférence TED qu'avait fait Chris Esquer, où il avait conclu une conférence TEDx à Paris. C'est à crever de rire parce qu'il est dans un jargon hyper oui, des boîtes si branchouilles vous, et si tout. Si vous aimez François Rollin ou des choses comme ça, il y a vraiment ce ouais, truc mais très il a écrit. Un truc incroyable, il a une idée incroyable qu'il a eu dans son spectacle, je vais la raconter très vite, je spoil pas, mais dans son spectacle à un moment donné, il parle des revues Sanglier Magazine, voilà, il parle de trucs complètement cons et à un moment donné dans son spectacle, il a une idée absolument incroyable. Et pareil, j'ai eu la même sensation que toi, je dis putain, pourquoi j'ai pas eu cette idée. Et il dit "Oh, qui rigole comme ça tout le temps ?" Bon, je suis désolé, je vais vous faire tous rigoler parce que là c'est insupportable. Allez, il prend un tableau, il dit à chaque fois qu'il y a un rire, je mets un bâton. Et donc les gens rigolent, ouais. Il dit allez, faut vous dégorger, allez. Donc il rigole et il fait plein de blagues et donc du coup t'as énormément de rire. Machin, il dit allez, on dégorge. Et il y a un 2 minutes de rire absolument phénoménal. Ouais. Et c'est un génie parce que ce mec est complètement barré, il a son univers à lui, mais c'est un petit génie. Et j'espère, je sais qu'il écoute des podcasts. Chris, reviens vite parce que t'es trop trop marrant. Voilà. Il revient dans le podcast. Chris Esquer, non mais il est génial. Il est important. Ouais, il a l'air très très drôle. Oui. Très très drôle. Dooley. Alors moi j'ai découvert Mélan Omerta. C'est un rappeur. Il est vraiment cool. Il a une super voix et ses textes ils sont ouf. Il est américain. No. Non. It's French. Elle écoute du rap français. Ah ok, d'accord, génial. Puisque c'était pas au deuxième. Tuskawa. Ouais, exactement. Tuskawa. Tuskawa aussi, bah continue à l'écouter hein, parce que c'est un petit génie. Ils ont fait Soleil Noir, mais je crois que j'en avais parlé avec Ophonique et. Bah non, je te regarde, tu ne te souviens pas. Davodka et Swiftgard, mais ça, je crois que j'en avais déjà parlé. Il y a aussi Furax Barbarossa, il fait des feats avec. Enfin, il fait des concerts avec Mélan Omerta et Jean Mé. Et il y a Ben Junior aussi, qui est très cool. Je crois que c'est un pote à eux et il est vraiment. Attends, très... t'as dit trois noms là. Énorme. Ouais, ça défile. Vas-y, redis-les pour que les gens entendent. Mélan Omerta, voilà. Furax Barbarossa et Ben Junior. Soul. Ben. Je suis un soulman. Ah, vous la connaissez pas? Si, il y a qu'une chanson. Et Vianney. Et Vianney. Ah, Vianney. On a vanné Vianney parce que déjà tu n'appelles pas Vianney sans espérer te faire vanner. Mais j'ai parce fait que beaucoup... ça ressemble au mot. Au verbe. Ouais, voilà. Lui, c'est même. On a fait beaucoup de blagues sur Vianney. Dans Pitch un petit peu. Dans Pitch, on l'a vanné et tout machin. Je l'ai croisé. Scout, je, je l'ai croisé gare de Lyon. Je l'ai vu. Je fais ah, il y a Vianney. Et il m'a lancé un regard vénère. Ah oui. Il m'a fait genre Vianère d'ailleurs même. Il m'a regardé, il m'a regardé genre ah toi tu te fous de ma gueule toi. Tu vois je voulais aller le voir faire ah tu sais je voulais dire en fait gars on est des gars du showbiz on est pas Florent voulais... c'est le truc le plus street. Non, c'est un clash avec Vianney. Laisse-le. Sur un regard vraiment je l'ai vu vraiment faire toi viens pas me parler toi et je fais oh mec alors là parce que t'as vanné Vianney juste non, une on fois. A fait des vannes ça des, va. Qui étaient rigolotes des vannes regarde des vannes on préparait c'était dans Pitch. Mais attends on préparait un biopic sur Vianney. Je dis regardez-le on a envie de lui voler sa Canada Goose. Enfin, tu vois c'est des petites vannes comme ça qui étaient sympas. Baptiste il faut être sincère pourquoi il y a eu une petite vanne sur Vianney. Parce qu'il y a eu un rôle. Aussi. Ma mère est folle, je sais pas quoi, de Diane Curis. Elle m'a fait auditionner un rôle. DM, à l'arrache. J'ai dit voilà, moi j'ai mon comédien principal qui m'a planté. Je veux absolument te voir en essai. Viens très très vite. J'ai été chez Diane Curis. Elle me dit demain tu viens, on fait une lecture avec Fanny Ardant. Et moi j'étais comme un fou. Ah oui. J'ai dit putain je vais rencontrer Fanny Ardant, c'est un truc de dingue. Et donc je fais la lecture, sauf que je ne sais pas que je vais lire tout le film. Et ça se prépare un peu, tu vois. Et genre, elles étaient les deux à me faire ah, c'est pas terrible. Je dis bah, attendez, je savais pas que j'allais faire tout le film. Incroyable. Et donc, elle a dit bon, finalement, j'ai pris Vianney. Donc, moi, lui bosse. Oui, oui. Bon. Mais qu'il me fasse un regard vénère à la gare de Lyon. Non, regarde. Pas de Lyon. Me regarde pas vénère avec lui. Surtout, gare de Lyon. C'est le clash, vraiment le moins flippant de Lyon. Ouais, fallait pas me regarder comme ça. Est-ce qu'il est le rendez-vous? Je te l'ai dit ou pas? C'est le premier truc. Je suis rentré dans la gare, j'ai fait Flo, Vianney vient de me regarder vénère. Peut-être qu'il a loupé son train. Est-ce que tu veux lui donner un rendez-vous de clash, genre à Beauvais. Mais non, mais il m'en regarde pas vénère comme ça. Au Wild and the Moon. On se retrouve au Wild and the Moon de Bastille. Je fais mon boulot. Je fais mon boulot, je fais des vannes. Toi, tu chantes avec une voix trop aiguë. Je t'emmerde pas. Donc, pardon, Doulou, on a fait un petit détour. Oui, non, on a fait un très léger. Donc, Mélan Omerta, c'est un rappeur. Ouais, et alors il fait quoi? C'est plutôt c'est quel genre c'est, de c'est rap mais en plus il met des trucs un peu espagnols et tout. Je crois qu'il a des origines espagnoles, peut-être catalanes. Je te sens sensible à ça. Ouais, j'avais écouté un sensible. Petit peu des... voilà non, chica. C'est très sensible. Non mais je suis très sensible à toutes les musiques un peu du monde et un peu avec des chants un peu de nana qui ont souffert un peu, tu vois, des trucs un peu de gitans et tout. Quand il a télé et, à 9 ans. Et du coup, ouais, lui, il a un vrai truc, il a une voix de ouf en plus. Et puis les textes, c'est des textes qui sont hyper beaux de tous ces mecs-là que je vous ai cités. Je trouve dommage, et en plus, ils n'utilisent pas trop l'autotune, quasiment pas. Ah ouais. J'adore ça, putain. Ouais. De quoi? Sans autotune. Ah d'accord. Ouais. Mais c'est très rare, t'es d'accord, les rappeurs, je n'écoute pas le rap. Hein. Mais c'est bah, très rare. Tu clashes avec Vianney, donc. C'est très rare, les. Ah, non, mais il m'a trop regardé. Je pas le rap, mais je vais dire un truc d'une généralité sur le rap. Vas-y, je t'en supplie, vas-y. Ça va être très éclairé. Tous les rappeurs écrivent leurs textes. T'as beaucoup. Okay. T'as, non, mais tous les rappeurs sont à la base de leurs textes. Ouais. Ça n'existe pas, les par exemple. Totalement, totalement. Je pense que si. Ah bon, il y en a. Oui. Ah putain, mais moi j'avais l'impression que justement. Catégorie. Mais c'est comme les humoristes, c'est dans pareil. La catégorie des indés et tout, des mecs comme ça, je pense que pas du tout. Non, mais ouais. C'est ce que je me disais à chaque fois. Je me disais, oh, putain, je dois louper des super trucs parce que énormément de rappeurs parlent de choses incroyables. En fait, c'est pareil que les humoristes. C'est-à-dire que quand tu commences, évidemment que c'est toi qui écris tes textes. Et puis plus ta carrière avance et moins t'as le temps et plus tu. Et puis des gens viennent à toi. Enfin, oui, si, voilà, plus tu deviens connu, plus des gens disent ah, moi je peux t'écrire des trucs, ou je peux te composer des trucs. D'accord. C'est, mais je pense que sur les rappeurs, ils sont quand même. Enfin, sur cette catégorie de rappeurs, en tout cas, ils sont plus sur leur vie et tout. Voilà, après, c'est ça. Après, tu peux envoyer des. Comment on dit des parties sonores, quoi. Enfin, musicales, à la musique. Ouais. On appelle ça un ghostwriter. C'est pareil que dans la littérature et tout, mais c'est un truc qui existe dans le rap. Ça existe. De toute façon, c'est la nouvelle pop. Donc maintenant, il y a des auteurs de rap. Il y a des. C'est sûr. Vianney écrit beaucoup. Il fallait pas me regarder comme ça. Et voilà. Avis au. J'allais vraiment y aller gentiment. Est-ce que tu peux juste pas prendre. En plus, je suis pas le gars le plus connu. Ça a pas dû. On a pas dû sortir dans la rue. Le Caplain, il t'a clashé. C'est Peach. C'est pas non plus. C'est pas les tutos. Ah, c'était dans Peach en plus. Personne a regardé. C'est la fin de ce podcast. On fait un petit peu le tour un peu des actus de chacun. Donc Douli, tu joues ton spectacle. Alors j'ai vu que c'était quand même assez complet partout, ça marche vachement bien. Oui, ça fonctionne pas mal, chérie. Trianon mercredi, yes. Mais c'est complet depuis longtemps. Mais il y a les Trianon du 23 février et du je sais plus en combien, avril. Ouais, ouais. Début avril. Ouais. J'ai vu les affiches dans le métro. 2024. Ouais, ouais. Trop bien le Trianon. Plus belle loge de Paris. Ah oui. Et oui, on m'a dit qu'il y avait un toit. Ouais, incroyable. J'ai essayé tous les sièges. Et c'est bon. Faut vraiment pas que je bouge trop. Pour certaines personnes. Ouais. Sur le côté là. Même ils sont visibilité réduite, ils le savent. Au milieu. Ouais. Non mais la salle est incroyable. C'est très très très jolie salle le Trianon. Voilà, du petit tournage, du Groland, tout ça, chérie. Trop bien. Et oui, France Inter. On peut l'annoncer ou pas? T'es dans la série là? Ils l'ont annoncé, j'ai vu dans le film français. T'es dans la série sur l'aéroport. Ouais. C'est ça. Terminal. Terminal. C'est Terminal ou low cost? Non, Terminal. Ça s'appelle Terminal, d'accord. Terminal, oui. C'est cool, c'est une série tournée en live avec un public. Avec un public, c'est vrai que c'est assez marrant. Qui est-ce qui tourne le rôle principal? C'est qui? C'est Ramzy. Ramzy. Ah, c'est Ramzy. Ah ouais, Bédia. Et du coup, ouais, c'est un peu marrant de le faire en public ou c'est assez marrant, ouais. Après, du coup, tu peux peut-être pas faire 1000 prises, tu vois, parce que bon, normalement, les mecs sont. Ah oui, on a compris la blague. Ah ouais, on plus, bah oui. Mais c'est assez marrant. C'est un exercice, quoi. Ouais, alors, en tout cas, le décor est assez fou. Trop bien. Cool. Ça, c'est un truc qui tourne comme ça. C'est... Comme Friends à l'époque. Friends, c'était ça. J'avais jamais capté que c'était en public. Moi, c'était des fous rires. Non, tu pouvais assister au truc, c'est incroyable. Incroyable. Oui, Baptiste. Il y a plein de gens qui vannaient Friends, pardon. Genre, oh, c'est nul, il y a des fous rires. Oui, c'est des rires des gens qui étaient sur place. Des vrais rires. Voilà. Baptiste, voir les gens est dispo sur Prime Vidéo. Mais si vous aimez la scène, si vous aimez le voir en vrai, le public et tout, il y a quand même quelques dates encore. Il reste 18 dates. Voilà, 18 dates. C'est pas mal. Alors, je tiens à dire, parce que j'ai entendu des gens qui sont passés dans ce podcast, qui sont des noms communs. C'est quoi la strate de sortir le spectacle avant la fin? Mais tu ne choisis pas, en fait, cher Urbain. Cher Urbain, d'ailleurs. Non, j'avais demandé à Amazon, enfin à Prime Vidéo, de le sortir le plus tard possible. Ils m'ont dit, nous, on a cette fenêtre-là. Donc j'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais tu sais qu'il y a des gens qui adorent. Après, le truc, c'est qu'il faut s'avouer une chose, c'est qu'on a fait une semaine d'Olympia complet et que du coup, il y a plein de dates qui se sont rajoutées suite aux Olympias. Olympia ont cette force incroyable, c'est que les promoteurs locaux rachètent énormément de dates. Et normalement, j'en avais 8 et j'en ai rajouté une quinzaine. En même temps, si tu sais que. Faut pas regarder. Si tu sais que t'as ta place pour dans 2 mois et que ton spectacle sort sur Amazon demain, tu te dis, je vais peut-être pas aller voir. C'est pour ça que je dis ça aux gens. Je dis, si vous voulez le voir sur scène, ça a toujours un petit truc en plus de le voir sur scène. Mais c'est bien mieux. Allez le voir sur scène s'il passe près de chez vous. Mais pour les autres, par exemple, tu passes plus à Paris, tu passes plus dans le sud. Venez voir sur Prime Video, c'est dispo dès que vous y allez. Et je tiens à remercier aussi le Floodcast, puisque le fait d'avoir travaillé avec toi et le fait d'être venu plein de fois dans ces podcasts et dans la tournée et tout a ramené énormément de public du Floodcast. Et je tiens à dire que le public du Floodcast est extrêmement adorable. Ce sont les gens les plus. C'est vrai. Hein. Enfin, non, mais vraiment, j'avais un public. Pour avoir des gens dans ces salles. Mon public était méga cool. Bah, tous les gens qui viennent en première partie, tu peux le constater, le disent. Ils ont une flèche avec écrit Floodcast sur leur tête. Qu'est-ce que t'en sais? Ils ont des casquettes. Ils le disent. Et genre, souvent, c'est. Il est sympa, Méniel, dans la vraie vie. Et je tiens à dire merci parce qu'ils sont vraiment super gentils, très bienveillants. Et donc, merci au public du Floodcast d'être venus parce qu'ils ont été nombreux. En tout cas, je suis trop content que plein de gens puissent avoir accès au spectacle. Moi, j'ai adoré écrire dessus et donc je suis trop content qu'il soit à dispo pour plein de gens sur Prime Vidéo, voir les gens. Adrien, Anti-Gang 2 toujours sur Disney+. Oui, si vous êtes sur Prime Video, ouais, c'est Anti-Gang la relève. Ah, la relève, oui. Ça dit tout Anti-Gang 2. Bah non, c'est pas Anti-Gang 2. Bah oui, non, bah c'est la relève. Enfin, c'est la suite du 1. La relève, fait, en l'occurrence, fait référence à moi. C'est ça qui est important. La relève du film d'action. C'est la relève du film d'action. Ouais. Ça s'appelait Adrien Méniel, la relève. Et ils ont dit, bah, ça serait bien, vu que c'est une suite, qu'on mette peut-être le nom du. Bon, il était dans Killer Coaster. Je suis dans Killer Coaster. C'est vrai que si vous êtes sous Prime Video, il y a du Killer Coaster, il y a du En Terrasse, il y a, mais il y a du Méniel partout. Ah, voilà. Tiens, mais t'es Prime Video, t'es un artiste Prime Video. Bah écoute, oui, apparemment. Non, et comme vous voyez, comme je disais, Killer Coaster, il faut regarder, voilà, il faut regarder pour qu'il y ait une saison 2. Johan ! Oh coucou ! Il faut que tu viennes, mon bébé ! C'est les tontons et tatis. Oh, le chat, il adore le bébé. Oula, il va l'agresser. Oh, non. Il va dégueuler, il va dégueuler. Donc on finit juste ça. Et donc la bonne auberge aussi, Adrien. La bonne auberge, voilà, sur Twitch, deux fois par mois, parce qu'on a tellement cartonné le financement participatif. Et oui, j'ai vu. C'est du jeu de rôle Donjons et Dragons en live sur Twitch. C'est la quatrième saison là qui commence. Wow. Et la dernière d'ailleurs, en tout cas. Ça a été annoncé pour nos personnages. C'est la dernière saison. Ça, on va clore toute l'histoire du truc. On m'a parlé de François Berléand pour la saison prochaine. Exactement. Pour remplacer Adrien. Et Vianney, malheureusement. Vianney qui joue un druide de niveau 5. Peut-être qu'il pourra faire une potion. J'accepte les blagues. Et Baptiste, c'est vrai que pardon, je suis passé un peu vite, tu reviendras nous en parler, mais tu tournes dans pas mal de films là. Tu reviens fort, lourd au cinéma. J'ai fait un film avec un réalisateur qui est acceptable. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai. La chance de tourner avec Charlotte Gainsbourg, qui était pas désagréable du tout. Ouais. Et après, j'ai tourné un film avec Christian Clavier. Ah, ça, c'est fou. Et donc, ça, tu lui as dit, ok. Les cheveux là Les cheveux. Non, pas les cheveux comme ça. Non, j'ai fait un film avec Christian Clavier, c'était une expérience absolument extraordinaire. J'espère le faire venir au Floodcast, ça serait fou. Ça serait fou. Oui, parce qu'il est d'un sarcasme et d'un humour incroyable, il est vraiment très très très drôle. Il est vraiment très très très drôle. Et je tourne un film là de Noémie Saglio avec Alice Taglioni, Stéphie Selma et Noémie Lovski notamment pour Netflix, d'où la coupe de cheveux. Je sais pas comment t'arrives à retenir tous ces noms. Eh ben merci les gars, merci tout le monde. Merci. À bientôt. Je rigole, c'est un personnage. Il s'agissait du Floodcast. Pardon.